Dans le Marais Noir, c'est Nancy Desrougères, surnommée la diva du Sega mauricien et aussi la voix féminine du groupe Zotza, dont le chef d'orchestre s'appelle Mario Justin. Sega Maloya, vous pouvez encore écouter cette émission dans son intégralité en allant sur notre site réunion.lapremière.fr. Et pour terminer la sélection musicale d'aujourd'hui, voici le groupe Ad Hoc, dans lequel on entend René Lacaille jouer son sax Sega. Et moi, Midiazot, sur le coup de plus tard sur Réunion Première Radio, qui mettent partout et tout le temps les musiques des îles en l'air. Ad Hoc, qu'on ouvre les yeux ce matin. Bonjour et bienvenue sur Réunion Première, c'était Sega Maloya, comme chaque matin, 4h-5h, présenté par Dédé Maurice. Bienvenue à toutes et à tous, à l'île de la Réunion, il est précisément 5h. Bon réveil, c'est l'heure du journal de la rédaction. Le journal présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. La colère ce matin des transporteurs. Ils ont prévu de bloquer la société Holcim à Cambé. Les camions sont en route. Ils seront sur place dans moins d'une heure. Alors pourquoi ce coup de force? Eh bien, selon les transporteurs, Holcim n'aurait pas respecté un accord signé l'an dernier. Un accord qui prévoyait 2 camions par petite entreprise. On en est à 1 aujourd'hui. Une vingtaine d'emplois seraient en jeu. Nous serons sur place en direct dans le journal de 6 heures. C'est une information Réunion Première. Une bagarre entre détenus a éclaté hier au centre pénitentiaire de Domingeau. L'altercation a eu lieu vers 14h30 dans la cour de promenade. Les surveillants ont finalement réussi à ramener le calme, mais 7 d'entre eux ont été blessés. Le malaise serait dû à l'article du GIR, celui qui évoquait les colis projetés par-dessus le mur d'enceinte. Une réunion de crise a eu lieu hier soir pour plus de sécurité dans l'établissement. Prévenir les agressions, justement, les dégradations aussi, c'est l'objectif du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Après Saint-Pierre, Le Tampon ou encore Saint-Joseph, c'est Petite-Île qui vient d'installer le sien. La ville n'est pas épargnée. Depuis 3 ans, les violences sur personnes sont en augmentation. Le maire mise donc sur la prévention avec la présence notamment de médiateurs sur le terrain. Cette question maintenant, Florent, quel avenir pour la SIDR et ses 25 000 logements? Eh bien, c'est la question que se pose le PLR, le parti du Guette Bello. La SIDR pourrait en effet changer de gestionnaire. Elle pourrait être privatisée. Le gouvernement souhaite se désengager. Nassima Dindar voudrait aussi vendre ses parts. Le département possède 43% du capital. L'acheteur, c'est la SNI, la Société Nationale Immobilière, principal bailleur français. Huguette Bello se dit inquiète, notamment pour les locataires réunionnais. La députée demande une concertation des élus pour, au final, une gouvernance majoritairement publique. On connaîtra la semaine prochaine les dates de la prochaine campagne sucrière. Elle devrait démarrer à la fin du mois, voire début juillet dans l'Est. En attendant, place au carrefour de l'emploi agricole. Ça commence demain à Saint-André. Pôle emploi et la Chambre d'agriculture veulent s'adresser aux exploitants et aux travailleurs agricoles, mais aussi aux jeunes qui envisagent une carrière dans la filière. L'occasion de parler également du travail au noir et de l'intérêt d'être déclaré intérêt pour le salarié et pour l'employeur. Jean-Christophe Zéphir, juriste à la Chambre verte. On a autant de freins du côté employeur que du côté salarié. Donc, on a mis en place une plaquette. Donc, cette plaquette, elle a un recto et un verso. Et sur le recto, il y a un volet destiné à l'employeur, voilà, qui va lui expliquer comment déclarer sa main-d'œuvre, les avantages qu'il a à déclarer sa main-d'œuvre, combien va lui coûter un salarié. Et sur l'autre face de la plaquette, un volet salarié, qui va expliquer au salarié que se faire déclarer, ce n'est pas forcément perdre ses prestations sociales. Dans quelle mesure est-ce qu'il va pouvoir les cumuler et qu'est-ce qui va advenir une fois qu'il aura terminé son contrat de travail saisonnier. Jean-Christophe Zéphir, juriste à la Chambre d'agriculture, au micro-réunion première d'Antoine Garnier. Le carrefour de l'emploi agricole, c'est donc demain à l'usine de Bois-Rouge à Saint-André, jeudi à Saint-Benoît et vendredi à Sainte-Rose. Le ramadan, lui, démarre aujourd'hui. Les musulmans de l'île ont aperçu hier soir le croissant de la nouvelle lune. C'est donc le départ d'un mois de jeûne. Les pratiquants vont s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Un mois d'introspection spirituelle. Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Houssein Hamod, le président du conseil régional du culte musulman. On parlera aussi de la situation à Mayotte. À Mayotte, justement, le premier bilan après les incidents de ce week-end fait état de 11 blessés. 6 ont été conduits à l'hôpital. Samedi, la 33e course de pneus a été stoppée par des jeunes cagoulés. Ils ont lancé des pierres sur la foule. Et avant de parler de sport, on revient à la Réunion avec cet accident sur le boulevard sud au niveau du rond-point de la région. Cela s'est passé vers 4h20 ce matin. Un accident moto contre voiture. Bilan, un blessé léger et un blessé grave. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Allez, comme promis, un mot de sport avec du foot. Le festival football des princesses, c'était hier au stade de la Saline-les-Bains. 500 marmailles, filles et garçons, étaient réunis pour l'occasion. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on commence, Camille Labrousse, avec plusieurs victimes dans un incendie à Paris. 5 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Saint-Denis en région parisienne. Ça s'est passé hier soir. 12 personnes sont par ailleurs blessées, dont 2 grièvement, après s'être défenestrées pour échapper aux flammes. La direction de la SNCF et les syndicats à la table des négociations pendant de longues heures, toute la journée et toute la soirée. Les discussions sur l'organisation du temps de travail des cheminots bloquent toujours. La CGT et Sudrail ont reconduit la grève pour un 7e jour consécutif. Le trafic sera encore perturbé avec en moyenne 4 intercités sur 10, 6 TER et 6 TGV sur 10. En attendant, François Hollande appelle lui à cesser la grève et pour ça il emprunte les mots du communiste Maurice Thorez dans un entretien accordé à la Voix du Nord. Il y a un moment où il faut savoir arrêter une grève, sans citer cependant la fin de la phrase, dès que satisfaction a été obtenue. 7 départements restent placés en vigilance orange aux inondations une semaine après le début des intempéries. L'eau continue de baisser un peu partout, sauf dans l'Essonne où le pic de la crue est attendu d'ici ce matin. Dans la journée, Manuel Valls a annoncé la création d'un fonds d'extrême urgence de plusieurs dizaines de millions d'euros. Les réquisitions dans le procès de la filière djihadiste de Strasbourg, considérée comme l'une des plus importantes de France. Le procureur réclame entre 8 et 10 ans de prison pour les 7 prévenus jugés pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Ils sont âgés de 24 à 27 ans et sont tous passés par la Syrie. Bernard Cazeneuve incite les journalistes qui se disent victimes de violences policières à porter plainte. Le ministre de l'Intérieur a rencontré des représentants de la profession suite notamment aux coups reçus par 2 journalistes lors d'une manifestation contre la loi travail à Rennes. Bernard Cazeneuve va également saisir la police des polices. Un suspect interpellé en Jordanie après une attaque terroriste qui a tué 5 membres des services de renseignement jordaniens. L'attentat a eu lieu dans un camp de réfugiés palestiniens et suscite beaucoup d'inquiétudes dans ce pays frontalier de la Syrie et de l'Irak. La Syrie, où l'armée de Bachar al-Assad progresse, soutenue par l'aviation russe, elle avance vers une ville clé pour le ravitaillement du groupe État islamique Tabqa, dans le nord du pays. Le groupe djihadiste également visé par une offensive arabo-kurde, soutenue, elle, par les États-Unis. Selon l'Ukraine, le Français arrêté dans le pays il y a 15 jours prévoyait une série d'attentats en France pendant l'Euro de foot, notamment contre une mosquée et une synagogue. Âgé de 25 ans, il a été interpellé en possession d'un lourd arsenal de guerre. Il ne vous reste plus que quelques heures pour déclarer en ligne vos impôts sur le revenu. Si vous habitez dans les départements à partir du numéro 50, pour les autres, c'est déjà fait. Le site internet impots.gouv.fr ferme ce soir à minuit pile. France Info. L'info revient à 5h30. Bonjour à tous et bienvenue sur Réunion Première, il est 5h07. Je vous rappelle cette information routière, prudence sur la route ce matin, aux alentours de 4h20 sur le boulevard Sud à Saint-Denis. Après le rond-point qui mène à l'université, il y a eu un accident en direction de l'ouest, impliquant un scooter et une voiture. Scooteriste qui était au sol, il y a deux blessés, dont un grave. Donc soyez très prudents dans le secteur et si vous avez des informations à nous transmettre, 02 62 99 2000. Et bah oui, une journée qui commence encore avec un accident, encore ce matin, accident grave donc sur le boulevard Sud. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, en ce qui concerne la météo, passage d'un front froid peu actif, mais front froid quand même, avec un ciel couvert et pluvieux qui arrive en fin de nuit et qui se maintient sur une grande partie de la journée sur la Réunion et puis les précipitations qui sont un peu plus marquées temporairement sur une moitié sud de l'île. Donc ailleurs, les averses sont plus faibles et parfois assez éparses, hein, surtout sur le nord-est de Saint-Denis à Saint-André. En début de journée, le vent il reste faible, orienté toujours à l'ouest, avec à l'avant de ce front froid donc qui traverse la Réunion. Et par la suite, il va prendre une composante essoufflée un peu plus forte dans le sud, avec des rafales de 60 km/h qui sont attendues sur les côtes ouest et est de notre île. La mer est peu agitée en matinée, puis va se renforcer au fil des heures avec l'arrivée d'une houle dans l'est. Donc prudence en bord de mer, les vagues les plus hautes peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Réunion Première. Bonjour à tous. Je vous demande de vous arrêter. Fais je vous demande de vous arrêter. Maribon, viens chercher. Viens chercher. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Jackie, réveille la Réunion. Voilà, c'est parti pour 3 heures de musique, divertissement et bien sûr l'information. Priorité à l'information, hein, sur la route ce matin aux alentours de 80, un accident grave sur le boulevard Sud en direction de l'ouest, impliquant donc un scooteriste et une voiture. Deux blessés, dont un grave. Soyez prudents si vous arrivez de l'est, vous allez prendre le boulevard Sud. Il y a eu un accident ce matin. 02 62 99 2000 pour joindre le standard de Réunion Première ce matin, ce mardi 7 juin 2016. Bon réveil et bonne fête à Gilbert, Maïté, Marie-Thérèse. Sachez qu'aux alentours de 5h45, nous allons battre un petit carrément à ce forain, comme tous les jours avec Prisca. Donc aujourd'hui, c'est marché forain de beau séjour. Et à 7h15, l'invité de la matinale, c'est Houssen Hammod, président du CRCM, c'est le Conseil Régional du Culte Musulman. On va parler bien sûr du début du Ramadan et toute l'équipe de Réunion Première se joint à moi et bien pour souhaiter un bon Ramadan. Voilà, toute la communauté musulmane de la Réunion. Salut toutes bonnes arabes, écoute Réunion Première, bon Ramadan Azot. 02 62 99 2000, on vous rejoint tout de suite au standard. Réunion Première, bonjour. Bonjour Jackie. Bonjour, oh là là, comme ça fait longtemps. Jackie, réveille la Réunion. Ah! Ôté, qu'est-ce qu'il dit mon grand caf? Eh bien, mon frère, embrasse, tu n'es plus au café! Ôté, ben moi aussi, mes pieds au chaos! Ôté, tu madame là, là, appelle à nous hier! Ôté, madame là, quand il appelle. Ah, il donne à où pour aller, bien? Ah, chocolat, il donne pour aller! Ah, quoi, chocolat comme ça, ça? Ah, chocolat, c'est ça, c'est bon, moi, c'est Jackie! Ah, ben oui, m'y connais, ben aussi, ouais, bon, mon thé, Félix! Oui, ah, où sinon, on s'en est bien? Bon, eh bien, mais elle pas où, hein, mais il téléphone pas, mais moi, dans le domaine, hein, il va y avoir pas eu de l'ombrage, moi. Au cassette D, à la porte, là. Ah, mais je vais pas, tout de même, ouais. Et Félix, n'a un coup, n'a un mité comme ça en train de causer, mais ouais, n'a un poste d'ici, mes épaules. Moi, je peux payer ça, n'a, mais tu sais pas, Félix, dis à moi. Hein? Ah, les filles, y était. Ah, vous me faites plaisir, moi, j'ai entendu le voyage à qui? Ben, merci, ben, merci. Quand j'étais content d'entendre Fabrice aussi, Fabrice, et puis, comment on Patrick. Oui. Oui, écoute, ah ben les gars, il est là, les gars, il est sur la route. Ben, grand matin, là, nous commençons l'émission. Là, comme il passe sur boulevard acide, mais voilà, les affaires méditées, ben, les danses, vraiment, mon, ben, comment il fait là? Où tiens, je m'étais, oui, bonjour, qui est la pluie, donne le grec, ah, la pluie tombe, mais tombe pour le bas? Ah, il tombe fort, même. Ben, quoi, ça arrivé là? Ah, Ah ben ne pouvez pas m'en appeler avec grenier, depuis ton repos jusqu'à saint pied, il tombe fort, hein, puis attention la route est glisse. Hein. Alors là dit comme ça là, quand la pluie tombe, c'est une affaire, mais quand la pluie graine, c'est une autre affaire, donc ah, oui. Il faut appeler. Ah la pluie le frère. Ben bien, sinon ça la santé est bon. Oui, tu sais, midi, je vais peut-être pas faire une affaire pour lui, mais dans le sud, nous. Oui. Il t'a pas dit, ouais. Hier, ce qu'on a fait, je suis fumé, maison. Oui, du moins. Elle n'a pas besoin d'appuyer à la maison, là, elle n'a pas besoin de téléphone, elle n'a pas besoin de cri, elle n'a pas besoin d'affaires, ou dit simplement, grand cas, moi je suis bien d'argent. Hein, par contre, elle a fait une vie, c'est déjà toute bonne de monde. Vous avez-tu qui mangé, là, s'il vous plaît? Réponse à moi, hein. Parce que moi, on a comme l'impression, déjà, tu manges, à moins de prendre le bon kilo par ici. Les gars. Ou il y a même un monde, hein. Ça, il vient direct, ça. Samedi matin, dès que m'a levé, là, moi, Nicole, met ça, comment quoi, au réchauffé, là. Oui. J'étais, je crois, j'ai mis rap, j'acquis pas là-bas, dis-moi, non. Pas tout ça, non, mon, j'ai miné, moi, là. Oui. Et... Un division pour Prisca aussi, hein, Prisca. Ah oui, non, bras, ça dit fort. Prisca, ça bosse, je vais t'aller aller là. Félix. Oui. Et Yannick, il fait rougaille boudin, il pense à moi. Hein, Gérard, il fait que caritang ce week-end. Imagine à moi. Azad pas, là-bas, il fait ceci fumé, imagine à moi. Ok, mais comment il travaille là? Mon frère, dimanche, samedi soir, dans un bout de boudin, il me dit, ah, non, pas ça, moi, mon frère, non, pas ça. Ouais. Où les dents, j'irai le frère. Ah, oui, content, alors, Jackie. Ah, ben, moi aussi, Félix, ce plaisir en tout cas. Des fois, comme il entend au cousin, il me dit, ben, il y a une petite ambiance 4 heures du matin, il va pas faire un peu, mais je viens ouvrir la même. Oui. Eh ben écoute, ben nous, on est toujours là, même, grand matin, oui. Même après, bon, on est un petit peu plus tard, sinon ça, on a la musique le matin avec Dédé, les gaillards aussi, ouais. Le Velasco, mais là, quand on fait le Velasco, mais je suis la route déjà, mais presque, c'est pas. Hein. Ouais. Donc, je ne dis pas encore à midi, dans le temps, ben, il est fou. Ah, ben, le gaillard, alors, ben, il est bon. J'ai dit, ça fait rien encore, la bouche, ça en a des trois de surprise. Ah, bon, écoute, le samedi matin. Et dimanche matin. Matin, oui. Ben, dimanche matin, 8h, nous viendrons à Passe-Toute. Ben, samedi, fait plaisir. Nous, on entend le courant parce que le Dieu, là, fait plaisir. Nous, on entend le samedi matin. Ben, moi aussi, il fait plaisir. Moi, j'étais là, ouais. Méditer, ben, là, comme Claudio, tu fais ça qu'il faut par là-bas. Il me dit, ben, ouais. Mani, cause un peu exote aussi, hein. Mani fait une petite émission tranquille. Jacques, il laisse la place pour les autres, c'est bien content, on s'est mis pied au côté, et puis quand il est ce gros joueur. Des fois, hier, moi, pense encore, parce que hier, l'information, c'est un petit Mandel, la fille d'information en métropole, il s'appelle Mandel Rosel. C'est pas son cousin, ça. D'accord, comment il était. Dis pas plus, c'est sali là-bas. Sali la cousine. Donc, voilà, madame, là, mon petit chocolat. Là, c'est un bon monde, c'est un bon madame, c'est un monde. Et comment quoi, même si la ville est dure, il garde toujours la tête haute. Oui. Et puis c'est quand vous l'avez collé, c'est un petit, il y a des gens qui ont comme ça. Oui. Parce qu'il fait vous voir au Dieu, et puis il fait prendre, vous pouvez venir la vie aussi. Bon. Et ça, c'est un beau qui connaît la vie comme ça, nous, ce matin, là, les gars, les autres, moi. Félix. Et après, quand on entend le petit Jackie Rovel, le cœur, il gonfle, il dit, achetez un accord, vous gagnez, vous pouvez pas voir, nous, tant que c'est le cœur, il est bon. Oui. Hein? Yannick, on passe à toi aussi, Patrick, et puis là, nous avons ici un petit téléphone de loin, bas à Benoît, Félix. Bonjour, Ali. Bonjour, tu m'as dit téléphone tes gardiens le soir, le matin, je sais pas quoi. Téléphone aussi, tes gardiens de nuit. Oui, le vrai. Moi, t'en parles aussi. Eh bien, salut, ta petite bande. Nous retrouve. Mais comment t'en entends à toi? Et lui connaît à chaque fois, par exemple, qu'on met un morceau. Tu viens de penser pour moi, comme ma purine, tu vois. Ah, ben, moi, on va quoi la cause, moi, premier coup, là, par le dans mon temps des Vissicards, là. Oui. Là, tout ce monde qui a tout de suite été jusqu'à aujourd'hui, m'a demandé si c'est pas le morceau, mon morceau préféré, frère. Oui, c'est vrai. Dallon, ça va? Oui. Ah, nous, les parties. À bientôt, Félix. À bientôt. Et merci pour l'accueil. Merci à vous d'avoir appelé nous ce matin. Allez, merci. Merci, Félix. 02 62 99 2000. Alors, les courses sur Réunion 1er, mais dans la zone. Alors, déjà, me rappelle cet accident. Hein. Cet accident sur le boulevard sud aux alentours de 80. 80, pourquoi il dit 80? M'a dit 84, ce sera plus simple. Hein. Donc, accident sur le boulevard sud à Saint-Denis, donc après le rond-point qui mène à l'université en direction de l'ouest, impliquant un scooter, une voiture, un scooteriste qui était au sol, deux blessés, dont un grave. Prudence dans le secteur. Alors, l'arrivée du quintet dans l'ordre à Midturfist hier pour gagner, il fallait miser. Et Pascal Maillot vous l'a dit, sur le 4, le 6, le 12, le 6 et le 14. Le 4, le 6, le 12. Un petit problème dans l'arrivée du quintet, parce qu'il y a deux fois le 6. Hein. Bien, Bon, bah écoutez, on va remettre tout ça à plat, on va bien regarder, je vais vous donner l'arrivée dans quelques secondes. Eh ben alors, l'arrivée... Le rappel des courses sur www.lapremière.fr. Première. Allô, Première. Il faut pas faire la langue de bois là-dessus. Bonus, malus, contre les gens qui n'ont pas les moyens. Il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on crache en l'air, ça nous retombe sur la figure. Allô, Première. Je fréquente beaucoup Bonnes Antilles. Venez à nous, vous êtes des agneaux. Et si t'es pas content, on te casse la gueule. Parce que ici, c'est à nous. Du lundi au vendredi, le débat. 8h, 9h. Claude Montané sur Réunion Première. Première. Claude Montané sur Réunion Première. Aujourd'hui, c'est gaillard, là. Aujourd'hui, fait l'émission un peu spéciale. Les rares, Claude, il fait bonne émission comme ça. Le phénomène Didi Brains. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh ben oui, gagne aussi la Réunion, hein, ce mardi 7 juin de 8h à 9h. Claude Montané reçoit le jeune groupe de rock malgache Didi Brains. Mais que pas si midi bien le nom. Mais en tout cas, on a vu Banane Télé. Et en tout cas, on a les dents et réessayer même. C'est un groupe qui a fait sensation lors du Ça qu'il faut. Aujourd'hui, on parlera de leur activité, de la musique, mais également de ce qui se passe un peu dans leur pays d'origine, donc Madagascar. Nous aussi, nous sommes un petit peu malgaches aussi quelque part. Hein. Donc, et nous va, enfin, certains d'entre nous, Talena des trois dit, ah, il y a que c'est pas Tidji. Ah, moi, elle est pas ci, ah, moi, elle est pas ça. Ote, ben, nous appelons la réunion, ote, s'il vous plaît. Allons mettre un coup, ben, gala, mélange caf malba. Il était gagné, dit mélange un caf avec un malgache. Hein? Allez. Alors, Kaf, Malba, Yab, Chinois, Arabes et Musulmans. Mais d'ailleurs, il a commencé Ramadan. Bon début de Ramadan, tout. La chauffe, à moins là, arrivé qu'un été, pas bon. Qu'arrivé là. Bon, ben, mal regardé. Attendez, il y a un monde qui attend maintenant. Ah, la partie. Bon, ben, allez, on a bien. Ayam, quoi. Ayam, top à top. Hein? Tout le monde connaît qui ça le top à top. Tellement les siennes à la tête, ils bloquent. Peut-être que tu aimerais que nous azote, mais. Fais la merde, flop azote. Si zot y aime, sclaf azote. Zot calcule bon pé. Mais one by one, mais pull up azote. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime. In a good look, all the time. In a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Zot TV causé maintenant, zot P causé. Roof, ferme, bande décédée. Fais le sérieux, mais si mi donne décédé. La, boost, les décédés. Le monde te cause, mais mi te connaît pas où. Les meilleurs connaissent à où, avant d'essayer jija où. Moi mi waoulé normal, ma ma y'a loqué. Le monde poudi coulé, chasse ma ma y zot. Zot y juit, donne malé à l'autre. Pas normal, si mon bonheur il fait plaisir à zot. Zot, Rodmania pour traîner les gars plus bas que bas. Parce que pour zot mi les plus haut que haut. Zot méprise plus quand même qu'Obama. En dans la qui c'est un gros Lego. Attends ma fait causer, t'as donne la nourriture et tiens note là. Pense à look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Mi alimente ma fin dit, mi défaille la chronique. Bord et la bord. Comme si ma vie demande à zot en affaire. Zot série bon comique. À mort mais rigole. Yes I. Mais ton corps. Mi trouve que la passée de midi. Mais ton corps. Fais des autres. Plie fort. Viens bousquer le monde et quand j'y fort. Yo. Tout le temps pour gagner le point. Si moi. Mais moi même ma point. Mi rate pas tout mi trace contour. C'est vrai. Faut m'imagine mon demain. Pas pour ça zot va squat mon terrain. Allez zot. Fou dehors. Passe pis demain. Moi pas bon, dis-moi, si c'est un homme. Mais allez, qu'il est ma fine mort trois fois. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. I am top à top. Tout le monde connaît qui ça le top à top. Tellement les siennes à la tête, ils bloquent. Peut-être que tu aimerais que mes p*** azote. Mais fais la merde, flop azote. Si zot y aime, sclaf azote. Zot calcule bon p*** Mais one by one, mes pull up azote. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. You can call me anytime in a good look. All the time in a full for you. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. can call me anytime in a good look, all the time in a full view. Look good, Kaf Malbar ce matin sur Réunion Première à 5h22 minutes. Bon réveil. Alors, on a des nouvelles concernant cet accident sur le boulevard Sud qui s'est produit il y a une heure maintenant. La direction régionale des routes vient de nous appeler et nous confirme donc qu'on a coupé la route, hein, donc à ce niveau. Quand vous arrivez de l'Est pour aller sur le boulevard Sud, au niveau du rond-point de l'université, vous êtes obligé donc soit de repartir sur le Moufia ou sinon de redescendre vers le Chaudron. On vous conseille dès maintenant, si vous arrivez de l'Est, eh bien de passer par le front de mer si vous devez aller dans l'Ouest et de ne pas emprunter le boulevard Sud. La route est coupée, il s'est produit un accident grave ce matin aux alentours de 80 sur le boulevard Sud à Saint-Denis après le rond-point qui mène à l'université, donc en direction de l'Ouest. Un accident impliquant un scooter et une voiture. Un scooteriste qui était au sol. Il y a deux blessés, dont un blessé grave. Prudence dans le secteur. Sachez que la route est coupée. Donc ne prenez pas le boulevard Sud. C'est en direction de l'Ouest, dans l'autre sens. Voilà, roulez normalement. Ne soyez pas curieux. Donc on vous tient informé de l'évolution de cette situation compliquée, qui s'annonce compliquée toutefois ce matin, donc sur le boulevard Sud, suite à cet accident. Bienvenue sur La Première. Jackie réveille la Réunion. Il faut d'un aller. Grand matin, Jackie Revelle sur Réunion Première. Viens chercher. Ça y est, voici l'arrivée du quintet dans l'ordre. Le 4, le 6, le 12, le 16 et le 14. Le 4, le 6, le 12, le 16 et le 14. Le numéro plus gagnant, c'est le 0664. Aujourd'hui à Mitterfist, le quintet qui vous intéresse se court à l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix des Landes sur du plat avec 16 partantes, donc ce sont des femelles sur 1600 mètres. La piste est en gazon, départ prévu à 15h47, montant de la tirelire 4 850 000 euros. Vous aurez les pronostics de Pascal Maillot ce matin à 6h50, en sachant déjà qu'il y a un non partant, que le 9, il est non partant. Voilà pour les courses ce matin sur Réunion Première. Je vous rappelle cette information, boulevard Sud, coupé donc au niveau de l'université. Vous ne pouvez pas aller dans l'Ouest suite à cet accident qui s'est produit ce matin aux alentours de 4h20. Un accident grave, voilà, sur le boulevard Sud à Saint-Denis. On va partir au standard avec vos 02 62 99 2000 avant d'apprécier une belle chanson de Davy Sicard. Réunion Première, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Jackie ? Bonjour, ça va bien, un peu choqué ce matin, mon ami, à vous-même. Vous choquez, là ? Oui, même choqué, oui. Bah, bois pas le thé, là, bois tisane. Il faut me boire un bon tisane romarin ce soir, là. Voilà, ben... Oui. Non, oui, parce qu'en fait, ben écoute, quand même, t'es passé 80 ce matin, tu boulevard sud de ma ville, les affaires. Et mes Pedjao qui fait, il fait mal, hein, il fait mal loin, un mounatia comme ça, là, et... Ah, ben, vous connaissez pas, c'est un artère perdu n'importe qui. Ah, oui, les dangereux, son moyen. Les dieux. Ah, les dieux, même. Ah, ou sinon, on s'en voulait bien. Eh, mon dieu, vous ne m'aimiez pas comme le temps, parce que si c'était que le temps, l'intérêt de se couvrir. D'accord, et la moisissure, tu finis de mentir aussi. Ah, pas trop loin, pour l'instant. Ah, là encore limon, d'accord. Garde un coup, garde un côté, achète pour un tétard, pas écras pour le petit bébé. La pointe. Bassin pour conformer. Et à part ça, sinon, à part le temps, l'impé en couillon. Ah, où ça va? Non, ça va. Et sur la route tamarin, la pluie n'est pas mauvaise non plus. La route tamarin, la pluie aussi? Ben, là, quand vous sautez, comment, pour taille, là, elle est calme. Oui. On arrive jusqu'à Portail, il est calme. Une oui. Petite tranche couverte, il est calme. Quand on arrive, c'est là. Aïe, aïe. Là, la plus grande, c'est y'a. Ah oui, là, quand on arrive, là, moi, les en face de bonne station, là, les il y a un peu calme, il farine. D'accord, pas d'accident, on n'a pas vu rien d'anormal, mis à part la pluie sur la route. Non, rien, nana, pas. Quand on a le toit, je dirais, c'est pas le phare mal réglé. Ouais. Il roule en fait détresse quand on a la pluie. Oui, mais peut-être qu'on a la pluie aussi, vous connaissez, bah, quand l'état comme ça. Notre fois, il vaut mieux, ouais, si jamais on ne voit pas bien. À un moment, m'appelle là, et comment bah, quand tu en es pas avec le Tika, pour ça qu'il connaît là. Oui. Et ben, bah, pareil, dans la santé, tu as voté là, mais pareil, dans la nuit, mais ne connais pas pour ça, ben, dans la fête, là, tu fais gravillonnage. Ah. Et avec la pluie là, pour ben, tous les dangers, parce que gravillon, la fin part à toucher la route. D'accord. Alors, il y a quel niveau ça? Parc exotique, où ça? installé sur Supiafond, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, effectivement. Oui, mais voilà où c'est les. Bah, là, quand tu travailles à voter, là, pareil, là, c'est gravillonnage. Je me dis, bon, moi, tu vois, que pas si j'en ai une radio, tu dis, tu peux écouter, mais avant de sortir de ça, ceux qui prend moto, mais ceux qui connaissent un camarade, ils prennent moto. Avant. Alors moi, ce que m'y fait donc au niveau du parc Exotica à Pierrefonds, donc sur la route Néla Gravion, m'a rappelé l'information. La pluie, d'accord, bien. Bah. Donc pour ça qui prend l'antenne va arriver un petit peu après. Ben écoute, m'a rappelé l'information pour vous autres également, hein. Ouais, elle est un peu dangereuse, c'est à la. Mmh. Ben. Bien, bon ben écoute, sinon ça, les paris pour aller travailler, pour aller crash de bananes aujourd'hui. Ben connais, déjà m'a dit la gagne les veilles. Oui. Elle sera la semaine comment? Eh ben, comme ça, le frère. Mais ça, t'envoie bon courage. Ouais, ok, passez une bonne chanson pour nous. Oui, quel goût. Vous voulez la chanson Kaoma là-haut? Oui, Maïna. Et comment elle fait encore ça, Mélodie d'amour? Ah, celle-là, il passe pas le mardi. Il passe pas le mardi? Ben, ça, c'est plus non, le vendredi quand ils sont en Mélodie d'amour, comme ça, là, c'est plutôt le vendredi, ça. Ah, c'est plutôt le vendredi, ça, alors. Vendredi, c'est Mélodie d'amour. Là, ils nous mettaient plutôt sur ma route, bonne morceau, voilà. Mais non, mais ça, on connaît, ça, c'est pour mettre Bana, ça qui n'a pas trop envie de lever. Oui. Arrêtez. Là, grand matin, on peut faire Bana et bisous. Ça, c'est pour ça que t'as pas trop envie de lever grand matin. Qu'est-ce que Bana fait? Bana, il fait-il bisous? Ah, ben on connaît pas, on connaît pas ça pour ça. Oui, mais où inspire Zatan encore, là, laisse Bana tranquille. Hein. Ben, là, comment Bana dit ça? Et toi, la version de la statistique, je sais que la fille tombe dans la bonne maison, enfant, il est. D'accord, ok. Et les yeux bleus. Ben, les yeux bleus. Couler à la mer, couler à l'océan. Ah, le feu. Voilà, parce qu'imagine tout ça là, ouais. Bon, alors, Mélodie d'amour, Kaoma, nous va qu'à la Lienne, c'est 4, c'est bon? Ça va pas plus heureux, dis-moi, hein. Pas de soucis. Merci bien pour les bonnes infos routières, nous on trouve ça. C'est bon, ok, allez. À bientôt. Bonne journée. Ah aussi pareil, bonne journée le frère. 02 62 99 2000, priorité à l'information routière sur Réunion Première ce matin. Donc on vous rappelle, au niveau du parc Exotica qui se trouve à Pierrefonds, sur la route il y a des gravillons, en plus il pleut, soyez très prudents, et cette information donc prudence sur la route. Et puis d'ailleurs, route coupée, un accident s'est produit ce matin très tôt sur le boulevard sud à Saint-Denis après le rond-point qui mène à l'université. En direction de l'ouest, on a eu la direction régionale des routes. Donc la circulation est coupée dans le secteur. Vous êtes obligé de passer, de reprendre, soit de monter vers le Moufia, sinon de redescendre vers le Chaudron. On vous conseille de passer par le front de mer si vous arrivez de l'est. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Il est déjà 5h30 et Florent Marot nous a rejoint pour l'essentiel de l'actualité locale. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Vous le disiez, grave accident ce matin sur le boulevard sud entre le rectorat et la région. Une moto et une voiture sont entrées en collision. C'était vers 4h20. Bilan, un blessé grave, un autre touché plus légèrement. La circulation est coupée dans le secteur. La colère ce matin des transporteurs. Ils ont prévu de bloquer la société Holcim à Cambay. Les camions sont en route. Ils seront sur place dans moins d'une demi-heure. Selon les transporteurs, Holcim n'aurait pas respecté un accord signé l'an dernier, un accord qui prévoyait deux camions par petite entreprise. On en est à un uniquement aujourd'hui. Une vingtaine d'emplois seraient en jeu. C'est une information Réunion Première. Une bagarre entre détenus a éclaté hier au centre pénitentiaire de Domingueau. L'altercation a eu lieu vers 14h30 dans la cour. Les surveillants ont finalement réussi à ramener le calme, mais 7 d'entre eux ont été blessés. Prévenir les agressions, justement les dégradations aussi. C'est l'objectif du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Après Saint-Pierre, Le Tampon ou encore Saint-Joseph, c'est Petite-Île qui vient d'installer le sien. La ville n'est pas épargnée depuis 3 ans. Les violences sur personnes sont en augmentation. Cette question maintenant, Florent, quel avenir pour la SIDR et ses 25 000 logements? Oui, c'est la question que se pose le PLR, le parti du Guette Bello. La SIDR pourrait en effet changer de gestionnaire. Elle pourrait être privatisée. Le gouvernement souhaite se désengager. Nassima Dindar voudrait aussi vendre ses parts. Le département possède 43% du capital. L'acheteur, c'est la SNI, la Société Nationale Immobilière, principal bailleur français. Huguette Bello se dit inquiète, notamment pour les locataires réunionnais. Le ramadan démarre aujourd'hui. Les musulmans de l'île ont aperçu hier soir le croissant de la nouvelle lune. C'est donc le départ d'un mois de jeûne. Les pratiquants vont s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Le ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Houssen Hamod, le président du conseil régional du culte musulman. On parlera aussi de la situation à Mayotte. Direction Mayotte, justement, où 11 personnes ont été blessées. Premier bilan après les incidents de ce week-end. 6 personnes ont été conduites à l'hôpital. Samedi, la course de pneus a été stoppée par des jeunes cagoulés. Ils ont lancé des pierres sur la foule. Un mot de sport, le festival football des princesses. C'était hier au stade de la Salines-les-Bains. 500 marmailles, filles et garçons, étaient réunis pour l'occasion. Objectif, encourager les filles à jouer au foot. Et puis en tennis, la première étape du Mary Pierce Indian Series a démarré hier à la Possession. Une dizaine de matchs sont à suivre à partir de 10h ce matin. Florent Marou pour l'essentiel de l'actualité locale. On revient à 6h. 5h32, je vous rappelle cette information. Route coupée sur le boulevard sud, donc au niveau du rond-point de la région, en direction de l'ouest ce matin, aux alentours de 4h20. Un accident a eu lieu, moto, voiture, 2 blessés, dont un grave. Donc soyez patients si vous êtes dans le secteur. S'il y a des ralentissements déjà ce matin, n'hésitez pas à nous appeler au 02 62 99 2000 pour joindre le standard de Réunion Première. Route coupée donc sur une portion du boulevard sud. Donc vous êtes obligé de redescendre vers le boulevard du Chaudron pour regagner le boulevard sud un peu plus loin. Donc on vous conseille de passer par le front de mer si vous arrivez de l'est. Les prévisions météo à présent, donc ça se confirme, hein. Route des Tamarins, de la pluie par endroit également dans le sud. Il pleut bien ce matin. Soyez prudents sur la route. On a le passage d'un front froid peu actif, mais actif quand même si c'est peu. Il est actif aussi. Donc le ciel, il est couvert et pluvieux avec l'arrivée en fin de nuit qui se maintient sur une grande partie sud de la Réunion. Des précipitations plus marquées donc sur une large moitié sud de l'île. Des cumuls qui sont toutefois assez raisonnable, et partout ailleurs le ciel est plutôt agréable, le temps est plutôt agréable même si il est couvert. En début de journée, le vent il est faible, orienté à l'ouest, et attention, la mer est peu agitée en matinée, puis par la suite il y aura le renforcement de la houle avec le vent. Vous êtes tous mes enfants, vous êtes perdus car vos chefs sont aveugles. Sérieux ça? C'est qui le chef là-bas? Le chef, il passe à ouais, bonjour. Le chef, continuez comme ça. Parce que c'est un démon, ça va, Pierre. Il s'en démonte. Papa, là, voilà, c'est moi. Et de riz, cafeton, tout ça, parce qu'il a fait comment il fait là. Écoute, le prince, la musique locale. La musique locale. Ben, bonjour. Bonjour, tout le monde, il est là, bon matin, chez toi. Il sonne la courage, le travail, et bonne journée, tout le monde. Ben, comment il met? Bonjour, Jackie. Aïe. Grand matin. Sur Réunion Première. Bienvenue sur Réunion Première. Dans 10 minutes, Prisca nous emmène, elle nous embarque avec elle au marché forain de Beauséjour. Aujourd'hui, donc premier rendez-vous à 5h45 et le second, ce sera aux alentours de 6h20 où vous composerez le 02 62 99 2000 pour repartir avec un bon cadeau d'une valeur de 20 euros offert par Réunion Première et des magasins partenaires. Donc pour faire le plein de fruits et de légumes dans un magasin près de chez vous. Avant d'apprécier une belle chanson de Davis Icard, mes amis, je vous rappelle cette information routière. Je me répète peut-être, mais c'est important, hein, si vous venez de prendre l'antenne, viens de rendre dans l'auto pour les travaux. Voilà, il y a l'une la radio, il y a eu un accident ce matin très tôt à 4h20 sur le boulevard sud à Saint-Denis, après le rond-point qui mène à l'université, rond-point la région, donc en direction de l'ouest. La route est coupée hein, sur une portion du boulevard sud, vous ne pouvez pas aller dans l'ouest à partir de ce rond-point. Cet accident implique un scooteriste, oui, et une voiture. Donc 2 blessés, dont un grave. Soyez patients et prudents dans le secteur. Et plus d'infos, si vous le souhaitez, en direct avec nous sur Réunion Première au 99-2000. Mamie Piette pas, passe par la main fine passée. Toute l'époque, Nena sont bons et qui sont mauvais. Le reste, avec Davis Icard ce matin. Salut Félix, on rappelle que son radio dans mon temps, c'est sur la première. Salut les gars. Dans mon temps. Heureusement là, t'as dit, perdu ou quelquefois, dans mes oreilles, moi l'attendis. C'était comme un moral, une fois qu'il faut t'en bander, soit t'es pour des balles, soit t'es pour ramasser. Alors, t'imagines comment longtemps l'été. T'es quand même pas mon faute. Si le temps l'avait passé, quoi qu'il y a pour dire. Dans mon temps, la santé dans mon temps. Aimer nous tes misères dans mon temps. De l'entente tes solidaire dans mon temps. Filer tes plis jolis dans mon temps. N'est pas tout ça qui nous a sorti dans mon temps. Faire ça qu'on avait dans mon temps. Comme elle a la fine changée. Trois de poids pour affronter. Fais pas l'insolent. Pas pour démailler. Fais pas l'innocent. Fais pas le malin. Fais pas le connaisseur. T'arrives ce matin. Pas n'aille la paix avant hier. Bien l'or. C'est que nous avons tout aujourd'hui. Comme ça. Comme l'évolution. La vie. À force. Notre nature. La vie même façon. Même code, et moi les tentes et j'en raison. Cause mon bâton à la dépôt. Ce qu'a besoin de mon pardon pour bon midi. Dans mon temps, oh oui, n'avait respect. Dans mon temps, on avait la santé. Dans mon temps, aimer nous tes misères. Dans mon temps, t'es l'entente, t'es solidaire. N'aille pas tout ça qui nous a sorti le dans mon temps. N'aille pas tout ça qui nous a sorti le dans mon temps. Oh, mille. Dans mon temps. Oh, mille. Dans mon temps. Oh, mille. Dans mon temps. Oh, mille. Dans mon temps. Oh, mille. Dans mon temps. Oh, mille. Dans mon temps. Oh, mille. Dans mon temps. Dans mon temps. Effectivement, mais pense que toute l'époque, Nena sont bons, Nena sont mauvais aussi. Et nous prend sac les meilleurs en dedans. Il prétend la ville n'est pas faite pour être belle, la ville est faite pour être vécue. Et après nous vivons avec bon passage difficile, bon passage aussi. Hein, nous amène nos affaires comme l'arrivée et nous fait en sorte que ça qui arrive l'est encore plus meilleur. C'était des Vicicars sur Réunion Première dans mon temps. Alors, je vous rappelle cette information routière, c'est important, prudence sur la route. Une route coupée au niveau du boulevard sud, au niveau de la région pour aller vers l'Ouest, un accident s'est produit ce matin, un accident grave avec deux blessés, un blessé léger, un blessé grave, route coupée dans le secteur pour aller vers l'Ouest. Donc on vous conseille, si vous arrivez de l'Est, eh bien de passer directement par le front de mer ou sinon boulevard du Chaudron, même si il va y avoir beaucoup de monde, hein, puisque on a le TCSP. Donc soyez patients, s'il y a un ralentissement dans le secteur, n'hésitez pas à nous appeler au 02 62 99 2000. On va aller faire un tour du côté des textos. On va saluer Guylaine ce matin. Salut Guylaine, ça va? Il fait la route tous les jours avec Réunion Première. Il a beaucoup de courage, Guylaine, aussi. Hein. Alors, 19 degrés, il pleut, c'est mouillé partout. Pourtant, certains n'hésitent pas à faire du 100 km/h quand c'est écrit 70. Voilà, sur les voies d'évitement de la ville de Saint-Joseph. Prudence et bonne route. Bonne route à vous, Guylaine. Merci d'avoir pris le temps d'envoyer nous ce message ce matin. Prudence, dans le sud, il pleut. Hein. Bonjour, Zaki. Il pleut depuis une heure environ. Un peu pour nous, par ici aussi. Donc, là, nous l'est où ça? Nous l'est Saint-Paul. D'accord. Un petit bonjour à Daniel, Isabelle, Edith, Reynald, Christine, Joël, Marie-Ange et toute Domouni. Écoute, Réunion Première. Bonne journée. Gros bisous. Merci, Sylviane. Sylviane, Saint-Paul. On va saluer Rénal du côté de Trois-Bassins. Bonjour à tous. La pluie tombe également à Trois-Bassins et il fait frais, il fait froid, même 16 degrés. Bon courage pour sa travail et bonne journée. Bonne journée aussi, Rénal. Merci pour ton message. Un bonjour à Fréduit. Fréduit. Salut Zaki, Saint-Lé, la pluie, les mouillés, Célé, la Céyolé, les mouillés. Bonne journée à vous également. Salut Zaki, la pluie, y graine à Saint-Leu, prudence. Et c'est Hélène au 06 92 608 335. Sur les routes de l'île de la Réunion, soyez prudents, il chante sur sa route, il a rencontré pas mal de personnes. Hein. On peut voir ça dans le clip, c'est Black M sur Réunion Première et dans 3 minutes, direction Beau Séjour avec Prisca, bon réveil. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le move. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre. Mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du mou. Black M, sur ma route, ce matin, il fait encore nuit. Prudence sur la route, une route coupée sur le boulevard Sud ce matin suite à un accident qui est survenu très tôt, aux alentours de 4h20. Donc, circulation coupée au niveau du rond-point de la région en direction de l'ouest. Voilà, prudence dans le secteur. Un accident qui est survenu ce matin aux alentours de 4h20. Moto, voiture, deux blessés, dont un grave. Voilà, soyez prudents dans le secteur où que vous soyez. En plus, il pleut hein, ce matin dans le sud, notamment. Prudence sur la route. Deux bandes annonces sur la première et ensuite, on vous emmène à Beau Séjour avec Prisca. À tout de suite. Première. Bonjour la Réunion, c'est Gougou. Moi c'est Tarpin. Bonjour, je m'appelle Mamadou. Et moi c'est Rakoto. Bye, Paul Pi. Mami Paul Pi, alors. Nous donnons notre rendez-vous tous les jours dans Radio Novela. Lundi au vendredi. Avec Bumpé la Couillonniste. Ah bon? Avant le journal de 7h. Bah oui. À 10h20. Bah. Rediffusion de tous les épisodes de la semaine le dimanche de 8h à 9h. Ah, ah. Et en podcast sur le site internet de Réunion Première. Radio Novela. Ah yo, et n'est comment elle est où? Sur Réunion Première. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses 1 an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux. Nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et nous sommes à Beau Séjour. Bonjour Prisca. Bonjour Jackie, bienvenue ici sur ce marché qui a ouvert depuis le mois d'avril. Donc ça fait 3 mois que les forains, les foraines s'installent ici sur cette place. Il y a déjà du monde, hein, vous entendez, c'est une nouvelle ville, un nouveau quartier. Je suis avec Sully. Sully, bonjour. Bonjour. Alors Sully, vous êtes agriculteur et Sully, vous connaissez Jackie. Sully, la mettre une plaque. Mm. Sur la plaque, elle est écrite. Donc écrit le nom de sa société, bien sûr. Et puis, production sans produits chimiques et sans engrais chimiques. C'est ça, Sully? Oui, c'est ça. Mais comment vous faites? Comment Mais ça pousse? Avec le fumier. Un fumier, le bon Dieu. Ouais. Bon, apparemment, ça a l'air de bien pousser. Hein, oui, oui, très bien. Vous êtes gâtés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? Parce que vous venez juste d'arriver. On est en train d'installer. Alors, il y a de la roquette. Oui. C'est bon ça de la roquette là. Hein. C'est des petits tas de roquettes avec les racines. C'est ça? Ouais, ça se mange comment? C'est dans la salade, vous mettez mélangez un petit peu avec la salade, ça fait une salade composée, quoi. Comme et on rajoute, ça fait tout près, quoi. Et on rajoute aussi quelques noisettes, quelques fruits secs. C'est excellent. Voilà, c'est très bon. Et c'est très riche en oméga 3 aussi. C'est vrai. Voilà. Vous avez aussi des paquets de thym là, je vois, parce que c'est compliqué hein, pour avoir du thym. C'est frais et sans produit aussi. Hein. Ouais. Faut bien préciser. Ça coûte combien là? 1 euro la boîte de thym. Pourquoi c'est tout petit? parce que déjà, il n'y en a pas. Et de deux, ben, comme je fais une production sans produits chimiques et sans engrais chimiques, ben, voilà, c'est, je peux pas non plus me permettre de donner à tout va. C'est pas du conventionnel. C'est la nature c'est hein, qui fait le reste. C'est la nature qui fait le reste, voilà. Donc il y a des salades et puis il y a aussi, ah, c'est ça c'est un condiment qu'on utilise quand il fait, quand on fait riz cantonné ou bien sauté mine. Voilà. Jackie, vous connaissez, il rajoute le tilaï chinois ouais. dedans. Ça c'est bon, ça donne, ça, ça donne bon, du ça. Bon goût. Hein. Ah, et oui. là aussi, ça se vend à 1 euro la botte. Tout est à 1 euro, même la salade. La salade, c'est 80 centimes ou 3 pour 2 euros. Ah, ça, ça a bien baissé, hein, Jackie, vous hein, voyez. Donc avec Sully, vous avez... Il y a quoi? Il y a des bananes sans produits aussi. Des bananes sans produits aussi. Et puis de l'autre côté, vous avez Jean-Luc hein, qui est en train d'installer des fruits. On continue la balade en direct du marché forain de Beauséjour dans un instant sur Réunion Première. Merci on peut, Sully. On peut parler d'une balade des gens heureux. C'est important hein, ce qu'il fait Sully, puisque une agriculture oui. raisonnée, effectivement, sans produits chimiques. Il est bien courageux. Merci beaucoup. Prisca, on vous donne rendez-vous à 6h20. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca en direct du marché forain de Beauséjour. Une information d'Yves Gruyer, prudence. Hein. Si vous êtes sur la route, notamment dans l'ouest depuis Saint-Paul, grosse pluie dans l'ouest pour ce matin. Il pleut également dans le sud. Soyez prudents sur la route avec une route coupée au niveau du boulevard sud ce matin suite à un accident survenu à 4h20 sur le boulevard sud à Saint-Denis après le rond-point de la région. Donc en direction de l'ouest, on vous tient informé sur Réunion Première de l'évolution de la circulation du trafic routier sur notre île. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Il est 6h10, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Noël, Lionel, Jean, Maxime, dit Jeannot. Décès de Monsieur Noël Lionel Jean-Maxime, dit Jeannot. Décès survenu à l'âge de 82 ans. Un recueillement se tient actuellement à son domicile. 31, cité catholique, au Guillaume-Saint-Paul. Une bénédiction aura lieu à 15h30 cet après-midi en l'église du Guillaume et sera suivie de l'inhumation au cimetière de la Saline-Léo. Réunion Première vous fait part du décès de Madame de Boisvilliers, Yolande Nézite. Décès de Madame de Boisvilliers, Yolande Nézite. Décès survenu le 5 juin à l'âge de 72 ans. Le convoi mortuaire sortira du 16 rue des Citronniers, lotissement La Balance, Fleurimont à Saint-Gilles-Léo, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu à 15h cet après-midi en l'église de Fleurimont, l'inhumation au cimetière de la Saline-Léo. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Fontaine, née Dijoux, Marie-Micheline. Décès de Madame Fontaine, née Dijoux, Marie-Micheline. Décès survenu à l'âge de 79 ans. Un recueillement se tient actuellement au centre funéraire de Prima à Saint-Denis. La bénédiction aura lieu à 15h cet après-midi en l'église de la Sainte-Jeanne d'Arc du Port et sera suivie de l'inhumation au cimetière paysager du même lieu. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Desplat Lismé, née Alagama, épouse de Monsieur Desplat Guy. Décès survenu à l'âge de 63 ans. Décès de Madame Desplat Lismé, née Alagama. Le convoi mortuaire sortira de chez Monsieur Desplat Jean-Guy au numéro 34, chemin de la Croix à Trois-Bassins. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès du père Jeannette Antoine, curé de l'Étang Salé et de la Chaloupe jusqu'en 2007. Décès du père Jeannette Antoine. Décès survenu le 4 juin à Bois-Blanc, Saint-Leu, à l'âge de 88 ans. La bénédiction aura lieu à 10h ce matin. L'inhumation aura lieu au cimetière des Lianes à Saint-Joseph. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Waro, Émile, dit Milo. Décès de Monsieur Waro, Émile, dit Milo. Décès survenu le 3 juin, à l'âge de 85 ans. Une veillée se tiendra à partir de demain, 9h, au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima le jeudi 9 juin, 10h, et sera suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Sateya Jean-Michel, dit Ticoc. Décès de Monsieur Sateya Jean-Michel, dit Ticoc. Décédé hier à l'âge de 56 ans. Le convoi mortuaire sortira du 47, chemin Casimir à Saint-Leu. L'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Potin, Joséphine, Yolande, dite Louise. Décès de Madame Potin, Joséphine, Yolande, dite Louise. Décès survenu hier à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira ce jour du 13, chemin des Chevaux à la plaine des Cafres. L'inhumation se fera au cimetière de la plaine des Cafres. L'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Labonne, Jean Roland. Décès de Monsieur Labonne, Jean Roland. Décédé hier à l'âge de 58 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile. 9 lotissement Albius, chemin du Jardin à Sainte-Rose. L'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Cocotier, Marie-Thérèse, née Manoro. Décès de Madame Cocotier, Marie-Thérèse, née Manoro. Décès survenu le 5 juin à l'âge de 89 ans. L'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Grondin, Gilbert, Raymond. Décès de Monsieur Grondin, Gilbert, Raymond. Décès survenu hier à l'âge de 73 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de la plaine des Cafres. L'inhumation se fera au cimetière de la plaine des Cafres. L'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Grondin, Joseph Moril. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Grondin, Joseph Moril. Rue Pierre Larousse, à Bras-de-Ponteau-Tampon. L'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Dijoux, Camille, Rico. Décès de Monsieur Dijoux, Camille, Rico. Décès survenu hier, à l'âge de 58 ans. Domicilié au 40, rue Laurent Damour, de Rive à Sainte-Suzanne. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Tamon, Carmen. Décès de Madame Tamon, Carmen. Décès survenu hier à l'âge de 89 ans. Une veillée se tiendra ce jour à l'EHPAD de Saint-François d'Assise. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Vous écoutez Réunion Première, dans 5 minutes, le journal de la rédaction sera présenté par Florent Marot. On reviendra sur cet accident survenu très tôt ce matin à 4h20 qui nécessite donc, on a coupé la route le boulevard sud ce matin à Saint-Denis en direction de l'ouest depuis le rond-point de la région. Voilà un accident qui est survenu très tôt, plus d'informations dans quelques instants, ne bougez pas. Info pratique à présent, à Sainte-Suzanne, il va y avoir une coupure d'eau à partir de 8h, et c'est pour demain dans le secteur de Sainte-Suzanne, donc chemin Bras Pistolet jusqu'au chemin des Camarons, chemin Glaïeul, rue des Fougères, rue des Goyaviers, dans tous les secteurs avoisinants. Et la remise en eau est prévue à partir de demain même à 16h sauf accident. C'est un communiqué qui concerne la ville de Sainte-Suzanne. À Saint-Louis, coupure d'eau pour aujourd'hui cette fois. Et ce, dès 8h à Saint-Louis, chemin à Liberté-Chère, de l'Enclos, des Martins, des Poivres Verts, chemin Kervegen, chemin Papaye, chemin Petit-Bon-Dieu, chemin Quartz, chemin Rénal, RN5, route de Sillaos, rue des Machoka. La remise en eau est prévue à partir de 16h ce jour, sauf incident. C'est un communiqué de Veolia. Cette fois, c'est Électricité de France qui vous informe, habitants de Saint-Leu, que vous n'aurez pas d'électricité de 8h45 à 15h30 dans le chemin Milo-Darty, en partie, et à Saint-Denis, pas d'électricité, aujourd'hui de 8h30 à 13h30, dans l'allée des Rubis, et l'allée des Topazes, c'est à Belle-Pierre, ça, quartier des Pierres Fines. Donc Saint-Denis, 8h30, 13h30, allée des Rubis, allée des Topazes. Pas d'électricité aujourd'hui de 8h30 à 13h30 et de 8h45 à 15h30 à Saint-Leu, dans le chemin Milo-Darty, en partie. vous informe également des prochaines collectes de sang. C'est l'établissement français du sang donc qui vous informe que vous pouvez faire un don du sang aujourd'hui à partir de 8h et ce jusqu'à 13h à l'ASPTT au Chaudron, donc à Sainte-Clotilde, de 8h à 13h, ainsi que dans le parc du 20 décembre, cette fois à Saint-Leu, de 9h à 13h. Voilà pour les informations pratiques de ce matin. Le prochain rendez-vous, également pour les avis de décès, ce sera à 11h50 avec Lionel Olivier. Réunion première, cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Et en plus de cet accident, donc ce matin sur le boulevard Sud, prudence si vous êtes dans l'ouest et dans le sud, puisque Yves Rouillet nous signale, et puis vous avez été nombreuses et nombreux à nous appeler également, nous le signaler par texto, et bien qu'il pleut dans l'ouest, donc grosse pluie depuis Saint-Paul. Soyez donc prudents sur le réseau routier ce matin et merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Voici l'horoscope présenté par Juliette. Bonjour, bon mardi à tous et bon mardi en particulier aux Gilbert qui sont à l'écoute de nos programmes. C'est leur fête aujourd'hui en ce mardi 7 juin. Je vous propose de retrouver sans plus attendre les prévisions astrales de la première. On y va tout de suite. Bélier, vous allez devoir monter au créneau pour vous positionner et dire haut et fort ce que vous pensez. Taureau, certaines questions vont rester en suspens malgré votre insistance. Gémeaux, vous êtes seul aux commandes de votre vie. Cancer, et si pour une fois vous ne pensiez plus au travail? Et si vous vous reposiez pour de bon? Lion, cette fois c'est décidé, vous ne laisserez plus les événements vous mener par le bout du nez. Vierge, un ennemi juré ne va pas vous faciliter les choses. Balance, certes, vous faites les choses lentement, mais vous ne changerez pas de cap. Scorpion, vous allez voir les choses de façon beaucoup plus sereine et vous serez beaucoup plus optimiste aussi. Sagittaire, votre histoire d'amour est bien plus solide que vous ne le pensez, alors persévérez. Capricorne, des tracasseries sans gravité aujourd'hui, mais cela vous met le moral dans les chaussettes. Verseau, quelques conflits larvés peuvent exploser, quelques embrouilles aussi. Poisson enfin, le passé et le futur se conjuguent dans tous vos projets actuels. Excellente journée à tous et à toutes. Bon réveil avec Réunion Première et prudence sur le réseau routier. Il pleut dans le sud et dans l'ouest ce matin. C'est l'heure du journal. Il est 6h. Bon réveil à tous. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Nouveau coup de force ce matin des transporteurs. Ils ont prévu de bloquer la société Holcim à Cambé. Plusieurs camions sont sur place. Pourquoi ? À cause d'un accord signé l'an dernier mais non respecté. Explication en direct dans ce journal. C'est une information Réunion Première. Une bagarre entre détenus a éclaté hier au centre pénitentiaire de Domingeau. 7 surveillants ont été blessés. L'un d'entre eux témoigne ce matin. Quel avenir pour la SIDR et ses 25 000 logements ? Huguette Bello se dit inquiète alors que le bailleur pourrait être privatisé. On parlera aussi du carrefour de l'emploi agricole. Ça commence demain à Saint-André, à un peu moins d'un mois maintenant du début de la campagne sucrière. Et puis en sport, football, J-3 avant le début de l'Euro. Dimitri Payet a-t-il gagné sa place de titulaire ? Qu'en pense-t-il ? Sa réaction à la fin de cette édition. Réunion Première, Florent Marot. On commence donc ce journal avec la colère ce matin des transporteurs. Ils ont prévu de bloquer la société Holcim à Cambé. Les camions sont sur place. Alors pourquoi ce coup de force ? On va poser la question à Roger Narayana, transporteur et gérant de la société TTNR. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour alors, à tout le monde. D'abord une confirmation. Combien de camions ce matin devant Holcim à Cambé ? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de volontariat de bouger les camions. On est en statique chez le donneur d'ordre. On attend le mouvement avec le président Trompay et pour la suite des événements. Alors, pourquoi cette mobilisation ce matin ? Cette mobilisation, c'est que le donneur d'ordre, aujourd'hui, il y avait un protocole qui a été signé et aujourd'hui, il revient là-dessus en nous supprimant... des contrats, ici ça supprime une vingtaine de contrats, derrière ça casse une vingtaine de salariés, et puis selon notre investissement qu'on a investi, ça nous plombe un peu les ailes. Quoi. Alors concrètement, Holcim avait promis 2 camions, vous n'en avez qu'un pour l'instant? Écoutez, sur l'ensemble de la flotte, Holcim, sur le protocole d'accord, nous a dit que on a fait un gros effort vis-à-vis d'eux sur l'ensemble de notre flotte, qu'on a fait comme 2 camions. pour amener le minimum garanti sur deux camions par transporteur. Et à ce jour, ils veulent supprimer encore 20 contrats chez 20 transporteurs. Alors justement, vous parlez... On lui dit, et ces 20 contrats ne cachent rien, mais il y a 24 familles que nous, on fait du social, on fait travailler ces gens-là. Ces gens-là vont bien être au chômage si ils mettent leur réponse en route. Alors justement, vous parlez des emplois, hein. Il y a des emplois en jeu. Est-ce que cette mobilisation, ce blocage peut durer? À mon avis, je ne sais pas, on verra d'après ce qui va se passer dans le courant de cette journée. Et puis par la suite, on verra avec notre fédération le mouvement à Denis. Merci beaucoup, Roger Narayanin. Je rappelle que vous êtes transporteur et gérant de la société TTNR, les transporteurs qui bloquent actuellement Holcim à Cambé. Bloqué également le boulevard sud entre le rectorat et la région. Un grave accident a eu lieu tôt ce matin. Une moto et une voiture sont entrées en collision. C'était vers 4h20. La voiture aurait pris la fuite. Les secours sont sur place. Bilan provisoire, un blessé grave, un autre touché plus légèrement. Grosse tension hier au centre pénitentiaire de Domingo. Une bagarre entre détenus a éclaté dans la cour. C'était vers 14h30. Les surveillants ont réussi à ramener le calme, mais 7 d'entre eux ont été blessés. Avec nous, en direct, Nicolas Calogine, représentant du syndicat UFAP. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez assisté à cette bagarre. Que s'est-il passé exactement hier à Domingo? Alors, plus qu'une agression, nous avons assisté hier un véritable règlement de compte sur fond de bagarre générale en cours de promenade. Ce sont ceux qui sont venus secourir, en l'occurrence les personnels de surveillance, qui sont devenus à leur tour des cibles. Jets de gravillon et coups de poing ont été distribués. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu des scènes de bagarre de rue ou conflit à un collègue qui était encore sous le choc. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette bagarre? Alors il faut savoir que la veille, ce sont pas moins de 5 colis qui ont été projetés depuis l'extérieur dans cette même courte promenade. À l'issue, nous avons opéré à des opérations de sécurité, des fouilles par palpation et des fouilles corporelles. Je pense que ça n'a pas plu à la population pénale et aujourd'hui, il y a eu une rébellion, une vengeance, un guet-apens. Voilà, ils ont simulé une bagarre entre eux. Et lorsque le personnel est intervenu, il a été pris pour cible. Alors on a parlé de 7 surveillants blessés, c'est bien ça? C'est bien ça, il y a eu 7 surveillants blessés assez gravement et d'autres qui ont pris des coups et qui ont été pris à partir. En fait, la configuration des cours font qu'il y a une cour basse et une cour haute. Et lors de l'intervention, tout le personnel a été caillassé par les détenus qui étaient dans la cour haute. Alors, vous parlez sécurité, quelles mesures ont été prises désormais? Alors, on demande une réaction forte de la direction qui, jusqu'à présent, nous avait dit qu'à la réunion, les détenus sont corrects, qu'il y a pire ailleurs. Nous avons dit au directeur, le pire, c'est ici et maintenant qu'il fallait réagir. Nous avons prévu de nous mobiliser prochainement. Ce qu'on demande à la direction, c'est une audite de sécurité sur l'établissement, la pose de concertina dans le glacis, des poses de filets anti-projection, l'élargissement d'un canal existant. On veut travailler aussi avec la police parce que des rondes sont importantes dans le contexte actuel. On peut, nous aussi, mettre en place des rondes pénitentiaires avec des véhicules d'intervention, vérifier la fonctionnalité de nos caméras. Mmh. Instaurer un véritable dialogue avec la direction sur la gestion de la détention. Et enfin, ce qui nous manque aussi cruellement, c'est bien évidemment les départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Et nous suivrons évidemment toutes ces demandes à Réunion Première. Merci Nicolas Calogine. Je rappelle que vous êtes représentant du syndicat UFAP. Prévenir les agressions, justement, c'est l'objectif du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Après Saint-Pierre, Le Tampon ou encore Saint-Joseph, c'est Petite-Île qui vient d'installer le sien. La ville n'est pas épargnée. Depuis 3 ans, les violences sur personnes sont en augmentation. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude du Gate-Bello, la SIDR pourrait en effet changer de gestionnaire, elle pourrait être privatisée. Le gouvernement souhaite se désengager, Nassima Dindar voudrait aussi vendre ses parts, le département possède 43% du capital. L'acheteur, c'est la SNI, la Société Nationale Immobilière, principal bailleur français. Huguette Bello se dit inquiète, notamment pour les locataires réunionnais, 25 000 familles sont concernées. La députée dénonce aujourd'hui la décision unilatérale de Nassima Dindar. On écoute Huguette Bello. Les élus locaux, notamment ceux du département, doivent questionner, doivent interroger la présidente du département, parce que nous, on l'a appris par la presse, sa volonté de vendre, de brader le patrimoine immobilier de La Réunion, les 25 000 logements. Ça n'est pas acceptable que l'on agisse ainsi, que l'on ait un comportement aussi léger, aussi cavalier, avec les locataires de La Réunion et avec les Réunionnais en général, parce que tout le monde le sait, hein, dans la SIDR, il y a de l'argent public qui est investi et puis que l'on va vendre ça à une société privée et que l'on nous dise après que l'on va faire de la réhabilitation. Réhabiliter quoi ? Elle sera plus propriétaire des logements lorsqu'elle aura vendu ? Huguette Bello, micro-réunion première de Delphine Poudroux, la députée qui demande une concertation des élus pour au final une gouvernance majoritairement publique. Réunion première, 6h et bientôt 9 minutes. On connaîtra la semaine prochaine, Florent, les dates de la prochaine campagne sucrière. Et oui, elle devrait démarrer à la fin du mois, voire début juillet dans l'Est. En attendant, place au carrefour de l'emploi agricole. Ça commence demain à Saint-André. Pôle emploi et la Chambre d'agriculture veulent s'adresser aux exploitants et aux travailleurs agricoles, mais aussi aux jeunes qui envisagent une carrière dans la filière. Hier, l'occasion aussi de parler du travail au noir et de l'intérêt d'être déclaré. Les précisions de Florent Urenji, conseiller Pôle emploi. Les avantages à être déclaré. Alors, deux avantages. Donc, d'une part, faire bénéficier aux planteurs d'aide au recrutement et d'autre part, pouvoir bénéficier, de l'allocation en fin de contrat. C'est une protection aussi en cas d'accident de travail, puisque ça, c'est un métier quand même à risque, hein, on travaille à l'extérieur, on manipule des outils, etc. Donc, effectivement, il y a un risque d'accident de travail. Nous, cette année, sur quoi on va insister aussi, c'est sur un nouveau contrat qui s'appelle le CIE, contrat d'initiative emploi. Donc, dans le cadre d'un recrutement, le planteur a une aide. Si le contrat est 6 mois minimum, une aide de 3 mois. Florent Urenji, conseiller Pôle emploi, interrogé par Antoine Garnier. Le carrefour de l'emploi agricole, c'est donc demain à l'usine de Bois-Rouge à Saint-André, jeudi à Saint-Benoît et vendredi à Sainte-Rose. Le ramadan, lui, démarre aujourd'hui. Les musulmans de Lille ont aperçu hier soir le croissant de la nouvelle lune. C'est donc le départ d'un mois de jeûne. Les pratiquants vont s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Le ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. On en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Hussein Hamod, le président du conseil régional du culte musulman. On parlera aussi de la situation à Mayotte. Et direction Mayotte, justement, où 11 personnes ont été blessées. Premier bilan après les incidents de ce week-end. 6 personnes ont été conduites à l'hôpital. Samedi, la course de pneus a été stoppée par des jeunes cagoulés. Ils ont lancé des pierres sur la foule. Allez, on passe au sport. Le festival football des princesses, c'était hier au stade de la Saline-les-Bains. 500 marmailles, filles et garçons étaient réunis pour l'occasion. Objectif, encourager les filles à jouer au foot. Football, toujours, l'Euro démarre ce vendredi avec le match très attendu France-Roumanie. Et la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr si Dimitri Payet sera titulaire. Le Réunionnais a convaincu, en tout cas lors des matchs amicaux, avec notamment plusieurs coups francs directs. Mais est-ce que cela va suffire? On écoute la réponse de Dimitri Payet. On sait tous aujourd'hui l'importance des coups de pied arrêtés dans les grands matchs. On sait que voilà, c'est une arme importante. Après, je pense qu'on est plusieurs, entre Grisou, Paul, moi, on a de quoi faire au niveau de ce secteur-là. Après, au niveau de moi-même, je pense que c'est vrai que ça fait beaucoup d'années qu'on parle de mon potentiel. C'est arrivé aujourd'hui, donc c'est comme ça, ce qui est passé. Aujourd'hui, j'essaie justement de garder ce que j'arrive à faire de bien et d'essayer toujours d'être le plus performant possible. Dimitri Payet, un Réunionnais en bleu. L'Euro démarre le 10 juin. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info et Camille Labrousse. On parle ce matin de cet incendie à Paris. 5 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Saint-Denis en région parisienne hier soir. 12 personnes sont par ailleurs blessées, dont 2 grièvement après s'être défenestrées pour échapper aux flammes. Les pompiers continuent les recherches. Hillary Clinton est assurée de remporter l'investiture démocrate d'après Associated Press. L'ancienne secrétaire d'État a atteint la majorité du nombre de délégués nécessaires avant les primaires de ce soir dans 6 États. Hillary Clinton sera officiellement nommée candidate lors de la convention d'investiture en juillet. Un suspect interpellé en Jordanie après une attaque terroriste qui a tué 5 membres des services de renseignement jordaniens. L'attentat a eu lieu dans un camp de réfugiés palestiniens et suscite beaucoup d'inquiétudes dans ce pays frontalier de la Syrie et de l'Irak. Selon l'Ukraine, le Français arrêté dans le pays il y a 15 jours prévoyait une série d'attentats en France pendant l'Euro de foot, notamment contre une mosquée et une synagogue. Âgé de 25 ans, il a été interpellé en possession d'un lourd arsenal de guerre. La direction de la SNCF et les syndicats à la table des négociations pendant de longues heures, toute la journée et toute la soirée. Les discussions sur l'organisation du temps de travail des cheminots bloquent toujours. La CGT et Sudrail ont reconduit la grève pour le 7e jour consécutif. Le trafic ferroviaire sera encore perturbé avec en moyenne 4 intercités sur 10, 6 TER et 6 TGV sur 10. En attendant, François Hollande appelle à cesser la grève et pour ça, il emprunte les mots du communiste Maurice Thorez dans un entretien publié ce matin par La Voix du Nord. Il faut savoir arrêter une grève, sans citer cependant la fin de la phrase, dès que satisfaction a été obtenue. 7 départements restent placés en vigilance orange aux inondations une semaine après le début des intempéries. L'eau continue de baisser un peu partout, sauf dans l'Essonne où le pic de la crue est attendu d'ici ce matin. Dans la journée d'hier, Manuel Valls a annoncé la création d'un fonds d'extrême urgence de plusieurs dizaines de millions d'euros. Les réquisitions dans le procès de la filière djihadiste de Strasbourg, considérée comme l'une des plus importantes de France. Le procureur réclame entre 8 et 10 ans de prison pour les 7 prévenus, jugés pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Ils sont âgés de 24 à 27 ans et sont tous passés par la Syrie. Bernard Cazeneuve incite les journalistes qui se disent victimes de violences policières à porter plainte. Le ministre de l'Intérieur a rencontré des représentants de la profession suite notamment aux coups reçus par 2 journalistes lors d'une manifestation contre la loi travail à Rennes. Bernard Cazeneuve va également saisir la police des polices. Il ne vous reste plus que quelques heures pour déclarer en ligne vos impôts sur le revenu. Si vous habitez dans les départements à partir du numéro 50, pour les autres, c'est déjà fait. Le site internet impots.gouv.fr ferme ce soir à minuit pile. France Info. L'info revient à 6h30. Et avant de faire un point sur le trafic routier, pas mal d'incidents ce matin, voici les prévisions météo. À 6h15 à La Réunion, il pleut dans le sud, il pleut fort dans l'ouest, soyez prudents. Sur le réseau routier, il y a le passage d'un front froid en ce moment qui est peu actif, mais front froid quand même avec un ciel couvert et pluvieux. Donc ces pluies qui sont arrivées en fin de nuit se maintiennent sur une grande partie de la journée, alors principalement dans l'ouest et le sud pour ce matin, donc prudence sur la route. En début de journée, le vent il est faible, il est orienté à l'ouest, la mer est peu agitée en matinée avec l'arrivée d'une houle en cours de journée. Jackie réveille la Réunion avec Yves Gruyé qui sera avec nous dans quelques secondes pour faire un point complet sur le trafic. Je vous rappelle cet accident survenu très tôt ce matin aux alentours de 4h20 sur le boulevard Sud. Accident grave, donc la circulation est bloquée. Hein. On a coupé la route entre le rectorat et la région en direction de l'ouest. Un accident grave donc impliquant une moto et une voiture. La voiture aurait pris la fuite. Les secours sont sur place et le bilan provisoire et d'un blessé grave et une autre personne touchée un peu plus légèrement. Il y a Rodolphe qui nous signale également une sortie de route à Saint-Benoît au niveau du pont Payette. En bas des rampes, voiture dans le caniveau, mais pas de blessés a priori. Donc prudence sur la route et notamment dans l'ouest ce matin où il pleut. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juin 2016. Bienvenue sur la première. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Gruyé, vous êtes sur les lieux de l'accident à Saint-Denis, bonjour. Oui, bonjour Jackie, bonjour à tous. Donc vous avez donné pratiquement toutes les informations, sauf que la route oui, donc est toujours coupée, ça aussi, c'est toujours d'actualité. À partir du rond-point Fouque, hein, c'est son nom, le rond-point qui se situe en dessous de l'hôtel de région avec l'œuvre d'art Mikado. Et donc route coupée parce que en fait, comme il y a eu délit de fuite, donc il y a les enquêteurs, donc enquête judiciaire de la police nationale qui est sur place pour faire tous les relevés, pour en savoir un peu plus sur l'identité des scooteristes. Donc ils étaient à deux sur ce scooter, percutés, donc semble-t-il, ou touchés par une voiture. La voiture ne s'est pas arrêtée. Ils ont chuté. Il y a un blessé grave, un blessé léger, plus léger, donc qui a été, donc les deux ont été transportés. Ici, il n'y a plus de secours. Il n'y a vraiment plus que la police et les enquêteurs. Donc avec relevé, empreintes, etc. Puis tout ce qu'on peut récupérer. Donc il y a les deux casques à terre. Et pour le moment, vous êtes dévié à partir de ce rond-point. C'est-à-dire pour redescendre vers le chaudron. Alors, donc, comme vous le disiez plus tôt, hein, donc vaut mieux emprunter le front de mer pour le moment plutôt que ce boulevard sud jusqu'à ce que ce soit libéré. Voilà, donc, on peut penser que ça va pas trop durer, mais enfin il y a quand même généralement une enquête. Ça dure presque une bonne heure. Ça fait à peu près 20 minutes qu'ils sont sur place, ces enquêteurs, donc pour faire tous les relevés. Voilà, sinon, attention, donc vous l'avez dit, oui, il pleut même jusqu'à la route du littoral maintenant. Hein, donc la route en corniche commence à être arrosée, ce franc-franc qui amène cette pluie depuis Saint-Pierre. Donc il y avait Saint-Pierre à l'ouest, donc une chaussée bien trempée et une circulation déjà compliquée en dessous de Plateau Caillou. Pour vous qui descendez vers Saint-Paul, forcément, dans ces conditions, on n'est pas forcément habitué à avoir de la pluie donc dans ce secteur. Surtout cette période, attention à être prudent dans vos manœuvres et surtout en contrôlant votre vitesse. Très bonne route avec la première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. 6h19, vous écoutez Réunion Première avec une actualité sur l'information routière. Beaucoup d'incidents, malheureusement graves ce matin. Sur le boulevard sud, donc vous êtes dévié depuis le rond-point Fouque, comme vient de nous le dire Yves Gruyer, sur le boulevard sud, suite à cet accident en direction de l'ouest. Donc si vous en avez la possibilité, eh bien passez par le front de mer de Saint-Denis en espérant eh bien que ça se passe mieux dans le reste de la matinée. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. On va vous offrir un cadeau, on va se détendre, on va essayer de penser un peu à autre chose avec un bon cadeau d'une valeur de 20 euros offert par Réunion Première et les magasins Espace Fraîcheur. Vous composez maintenant le 02 62 99 2000. À tout de suite. Première. 10h midi. C'est encore mieux en première. Le rire avec Radio Novella. On dirait le sosie de Jean-Yves Minati quand il est en colère. Le cinéma. Je n'ai jamais ressenti autant. Avec vos petites annonces. Votre radio aussi à PL, ancien collection. Song Story. Les nouveautés sur les étals de nos bazardiers pays. Les prix, les tendances et surtout le jeu du panique garni. C'est encore mieux en première. 10h midi. Lionel Olivier sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Première. Et nous sommes dans la fraîcheur de Salazie. Bonjour Gladys. Bonjour. Ça va Gladys ? Ça va bien et vous ? Oula, Gladys, tu ne bois un café ? Oui. Vous collez un collé ? Non, pas au collé. Hein. Ah, ok, pas moi. Bonjour. Oui, ça va, oui, oui, vous. Gladys. Oui. Quel est le nom du végétal qui bombarde ? Je sais pas. La roquette. Ah bon ? Vous l'avez compris ou pas ? Non, mais je vais le réveiller, moi, quand je peux... Bah attends, mais la roquette, une roquette, c'est quand il bombarde, quand il fait des trucs, des bazookas, la roquette. Oui. Et c'est le végétal qui bombarde, la roquette. D'accord. Ok. Oui. Bon, bah écoute, moi, c'est bien un café, remarque, hein, on a besoin, moi. Hein. Ouais, moi, je m'y pense. Ouais, qu'est-ce que ça fait que je vois du Gladys ? Ben, le travail. Ok. Ben, pour gagner l'argent. Donc, vous gagnez 20 euros, qu'est-ce qui se passe, frère ? Là, vous travaillez encore ? Ben, vous travaillez pas, ouais. Et ma fille, c'était possible, mon âme, t'es dans un peu chez le matin. Ah, hein? Oui, vous avez fait frais. Allez, bon courage à Gladys. Merci. Et puis, nous dit bonjour à toute bonne de monde, et Salazie, là où il connaît où ? Oui. La bon paix connaît où ? Sûrement. Hein, qui ça connaît où ? Il ne connaît pas. Hein, ils viennent les élever comme ça, ravage aussi, hein. Ben, il y a pas du mycose mal. Après, tout le monde dit, t'es m'entends, dit à Gladys dans la radio, grand matin. Que ça fait 20 euros, c'est pas spécial, là. Bien, passez une bonne journée, bon courage, Gladys. Hein. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Le meilleur de la musique sur Réunion Première, sa voix, comme celle d'un ange. Écoutez Maya Kamati ce matin, songez. Ah, c'est joli, hein. Oui, des nations, j'ai mon mensonge, j'ai mon douleur. Oula. Mais des nations, j'ai mon mensonge, j'ai mon fait clair. Aïe. Oui, des nations, j'ai mon mensonge, j'ai mon douleur. Mon fond de cœur, imaï. Il tape mon malheur. Kakaï, den sixième, il kaï. caca et mon bonheur. Trompe pas, bibi Jaco Ayo, crie, crape sur mon pot. Trompe pas, bibi Jaco Ayo, crie, crape dessus mon pot. Crie, crape sur mon pot. Crie, crape dessus mon pot. Crie, crape sur mon pot. Crie, crape dessus mon pot. Mais nena songez mon mensonge en lumière. Oui nena mensonge mon mensonge la rouvert. Mais nena songez mon mensonge en lumière. Oui nena mensonge mon mensonge la rouvert. Il saute pas, donne mon cœur il bat pas. Il saute pas contre mon cœur. Et capaille en s'éclaire ouai ouai ouai. Et capaille mon l'honneur. Bibi Jaco Ayo, crie, craque sur mon pot. Trompe pas, Bibi Jaco Ayo, crie, craque dessus mon pot. Crie, craque sur mon pot. Crie, craque dessus mon pot. Crie, craque sur mon pot. Crie, craque dessus mon pot. Bibi Jaco Ayo, crie, craque sur mon pot. Trompe pas, Bibi Jaco Ayo, crie, craque sur mon pot. Crie, craque sur mon pot. Crie, craque sur mon pot. Crie, craque sur mon pot. Mais les garçons et moumons, crie, craque sur mon pot. Mais les garçons et moumons. Spécial dédicace pour toute bonne tantine en granit contre Réunion Première ce matin. Maya Kamati, Nena Cosmon là-dedans. Hein? Sonzier sur la première avec cet extrait de son album Sentier Papang. À 6h25, je vous rappelle cette information routière. Prudence sur la route ce matin. Il pleut dans l'ouest, il pleut dans le sud. La route est coupée entre le rectorat et la région. Sur le boulevard sud, vous êtes dévié au niveau du rond-point Fouque. Si vous venez de l'est et que vous allez prendre le boulevard sud, vous serez ralenti dans ce secteur. Donc, il vous est conseillé de passer par le front de mer de Saint-Denis. Autre information routière, sortie de route à Saint-Benoît, au niveau du pont Payette, en bas des rampes. Voiture dans le caniveau, pas de blessés a priori, mais la curiosité risque de provoquer un ralentissement. Voilà pour les informations routières. On va rejoindre maintenant Prisca, qui se trouve à Beauséjour. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Alors, Sully va bien, Prisca? Oui, Sully va très bien. Le quartier de Beauséjour se réveille. Il y a déjà quelques badauds ici avec nous. Et nous sommes avec Annick. Annick, elle vient de l'Ouest et elle a ramené une production de butternut. C'est ça? Oui. Ouais, vous connaissez ça, hein, la fameuse courge. Non, ça vient de la Réunion. Non. Non, ça vient d'où? Ben, je sais pas. Non, mais ça a poussé à la Réunion. Ça pousse à la Réunion. Oui, d'accord. Ça pousse à la Réunion. Oui, c'est vrai, peut-être que la variété de courge, elle vient pas de la Réunion, mais les graines, vous les avez bien plantées à la Réunion, c'est ça? Oui, et on découvre hein, cette nouvelle saveur en direct sur les marchés forains avec Marie-Annick. Et Marie-Annick la ramène aussi. Simi Diaou Jaki, Soulier Verni. Kabaï le roi qui l'a de gouverner. Hein. Ça même, et c'est quoi? Ça c'est le bringel. Elle a ramené aussi des jolis bringels ici, et ça coûte 2 euros le kilo hein, pour faire des beignets de bringel. Alors, merci Annick, je vais me rapprocher vers Tatiana, parce qu'en fait Tatiana, elle va nous donner la recette du velouté de butternut, et je sais que Jackie va y rajouter quelques morceaux de sarcive avec... du persil, un petit peu de persil, ou est-ce qu'on peut rajouter, pour relever un peu le goût, Jackie, un peu d'ail chinois? On va encore aller encore un peu plus loin. Moi, j'y mettrai soit de la raclette pays ou du piton maïdo. Voilà, sur ce petit gratin de courge et du miel de bérose. Voilà. Alors, Tatiana, comment est-ce qu'on prépare un velouté de butternut? Alors, on fait cuire un petit peu à l'eau et en fin de cuisson, vous mettez de la crème liquide, sel, poivre et vous mixez, tout simplement. Et un petit peu d'oignon aussi. Et puis on rajoute, hein, comme dit Jackie, un petit morceau de sarcive hein, pour ceux qui peuvent, ou autre. Alors vous, vous avez ramené quoi ici sur le marché forain de Beau Séjour? Des brocolis, il y a du brocoli, ça c'est rare hein, d'en retrouver du brocoli. On peut faire un velouté de brocoli, Jackie? Un velouté de brocoli, on fait ce qu'on veut, chacun faire, fait ce qu'il veut. On peut faire un velouté on peut de faire, brocoli. Bien sûr qu'on peut faire, on enlève les chenilles dedans. Comment on fait? Ben, pareil que la courge, sauf que vous faites un peu revenir avec de l'ail et de l'oignon. Ça va donner du goût. Voilà. Mmh. Allez, dans le panier garni tout à l'heure, on va y mettre, Jackie, du brocoli, de la courge. On y mettra aussi un peu de roquette, quelques fruits et légumes. Et pour venir le décrocher, hein, ce panier, puisqu'il est pour vous, hein, les amis. Donc, si vous êtes dans le secteur de Beau Séjour, rendez-vous tout à l'heure entre 9h50 et 10h30 avec ce mot de passe qui est, Jackie? on va dire velouté avec Réunion Première à ce moment-là. Ouais. Velouté de butternut. Allez. Hein, ça passe. Velouté d'accord butternut. Avec Réunion Première. Allez, rendez-vous tout à l'heure sur le marché forain de Beau Séjour. À Beau Séjour ce matin pour Réunion Première. Merci beaucoup, Prisca. Donc, velouté, butternut avec Réunion Première. Vous allez rejoindre Prisca au marché forain de Beau Séjour. Et ce panier garni, il est pour vous entre 9h50 et 10h30 sur la première. Bienvenue. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Cécile Thomas s'installe pour le journal de la rédaction de Réunion Première qui arrivera juste après les informations routières d'Yves Gruyer. Je vous rappelle que la circulation est bloquée entre le rectorat et la région, enfin les deux ronds-points, rond-point Fouc en direction de l'ouest suite à un accident qui est survenu très tôt ce matin. Direction rond-point Foucherolles, tout de suite. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde, Yves? Non, il n'y a pas de difficulté. Hein. Donc, il y a dû y avoir des panneaux à message variable qui vous indiquent que le boulevard sud est fermé, très certainement, ce qui fait que les automobilistes continuent leur trajet par la 4 voies. Ici, je suis au girateur Foucherolles, même avant le girateur Fouc où il y a cette déviation. Alors, il y a des gens qui redescendent vers le mail du Chaudron. Et puis, il y a ceux qui passent par l'avenue Georges-Brassens, puisque vous pouvez passer par le hall, le rectorat, vous redescendez de l'autre côté. Hein, le tronçon qui est fermé, qui est entre le giratoire Fouc et le giratoire Lory, en bas donc de l'avenue Georges-Brassens, qui fait la boucle hein, donc pour arriver de l'autre côté. L'enquête est en cours. Je ne vais pas vous dire quand est-ce que ça va se terminer. On ne pose pas trop de questions aux enquêteurs. Alors, il y a enquête parce que le scooter n'était peut-être pas forcément à ceux qui étaient également sur le deux roues au moment de l'impact. Voilà, donc on regarde un petit peu toutes les éventualités, tout ce qui est possible. En tout cas, l'enquête est en cours. Dessus, sur cet accident, un blessé grave, un blessé léger, je rappelle. Bouchon, alors uniquement dans l'ouest, puisque même l'entrée ouest, il n'y a pas encore de difficultés au carrefour de la route de la montagne. Les embouteillages démarrent à hauteur de Plateau Caillou. Ça se passe sous la pluie, une pluie continue depuis le sud, jusqu'à une partie de la route du littoral. Attention à ces conditions de circulation. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et nous roulons tranquille avec Réunion Première dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest et dans les cirques. Merci de vous informer avec le journal de la rédaction. Il est précisément 6h30 à La Réunion. Le journal est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Les transporteurs bloquent ce matin l'usine Holcim de Cambay. Un conflit sur fond de chantier de la nouvelle route du littoral. Nous entendrons Roger Narayanan, transporteur. Attention sur la route, un accident impliquant un scooter et une voiture a fait 2 blessés, dont un grave tôt ce matin sur le boulevard sud. La route a dû être bloquée, vous venez d'entendre Yves, pour permettre au secours d'intervenir. Bagarre générale à la prison de Domingueux hier. Une bagarre prétendue entre détenus qui en fait s'est révélée être un guet-apens pour les agents pénitentiaires. 7 d'entre eux ont été blessés. Et puis l'établissement français du sang lance un appel. Les stocks sont au plus bas. Chacun est invité à faire un don. Réunion Première, Cécile Thomas. Blocage donc de la société Holcim à Cambay. Depuis 6h ce matin, les transporteurs se sont rassemblés devant l'usine à béton. Selon eux, l'entreprise ne respecterait pas un accord signé l'an dernier. Le texte prévoyait du travail pour 2 camions par petite entreprise de transport. Holcim aurait mis cet accord en cause en ne proposant plus qu'un camion. Roger Narayanan, gérant de la TTNR, transporteur de béton, était en direct dans notre édition de 6h. Ici, ça supprime une vingtaine de contrats. Derrière, ça casse une vingtaine de salariés. Et puis, ben, selon notre investissement qu'on a investi, ben, ça nous plombe un peu les ailes. Quoi. On a fait un gros effort vis-à-vis d'eux sur l'ensemble de notre flotte qu'on a fait comme deux camions. On ramenait le minimum garanti sur deux camions par transporteur. Et à ce jour, ben, ils veulent supprimer encore 20 contrats chez 20 transporteurs. Il y a 20 pièces de famille. Ben, ces gens-là vont bien être au chômage. Roger Narayanin, gérant de la TTNR, transporteur de béton, répondait à Florent Marot. Soyez prudents sur la route ce matin. Un grave accident s'est produit sur le boulevard sud vers 4h20 entre le rond-point du rectorat et celui de la région. Accident entre une voiture et un scooter. Les circonstances ne sont pas très claires pour l'instant. Les secours sont sur place. Ils ont pris en charge deux blessés, un léger et un grave. La route a dû être coupée dans le sens nord-ouest au niveau du giratoire Brassens. Une déviation a été mise en place. Yves Gruyer vous tient informé. Et puis une bagarre générale a éclaté à la prison de Domingeau. La situation a dégénéré vers 14h30 dans la cour de promenade. À l'origine de l'incident, les colis envoyés par-dessus le mur de la prison. La veille, 5 colis avaient été acheminés dans la prison comme cela. 6 fonctionnaires ont été blessés car les détenus se sont retournés contre eux. Une réunion de crise a eu lieu hier soir entre le personnel et la direction de Domingeau pour sécuriser les lieux. Du personnel a été affecté aux endroits stratégiques pour empêcher les envois de colis au-dessus de l'enceinte de la prison. Mais ce n'est pas assez pour les surveillants qui demandent plus de sécurité. Dans l'actualité également, l'établissement français du sang est en alerte. Le stock de poches de sang disponible à La Réunion est en chute libre. Au lieu d'avoir 12 jours d'avance, l'EFS ne dispose que de 8 jours d'avance. C'est trop peu, car dans l'île, la demande en produits sanguins est forte. On utilise 120 dons par jour pour répondre aux besoins de 9000 malades. Pourquoi cette baisse des stocks? Eh bien, en partie à cause des vacances scolaires et des épidémies de grippe et de dengue qui n'ont pas permis d'assurer les collectes normalement. Chaque donneur potentiel est donc invité à se manifester cette semaine. Ce lundi, hier, une collecte était organisée à la mairie annexe de Saint-Gilles-Léo. Delphine Poudroux y a rencontré Daphné. C'est la première fois ? Oui. D'accord. Donc voilà, installez votre... Allongée sur un brancard, Daphné écoute attentivement les conseils de l'infirmière. Serrez un peu le poing. Pour son premier don du sang, la jeune femme de 31 ans est plutôt fière. Je suis très heureuse de le faire. Pourquoi ? Ben pour moi, c'est ben aider quelqu'un et c'est important d'aider les gens dans la vie. Surtout dans le monde dans lequel on vit, où chacun est individualiste, c'est bien de faire ce genre de geste en fait. Aujourd'hui, c'est 480 ml de sang que lui prélèvera Cindy, l'infirmière. Dans le corps, on a en moyenne entre 5 à 7 litres de sang à peu près en fonction de la corpulence. Donc on vous prend très très peu par rapport à ce que vous avez dans le corps. Surtout le plus important, c'est de bien vous réhydrater après. Parce que du coup, je vous prends quand même du liquide. Il faut le remettre. Et une fois que le don sera terminé, il faudra passer à la collation. Justement, c'est l'heure de la collation pour Daphné. Face à elle, Jérôme, de l'établissement français du sang. Qu'est-ce que vous allez lui proposer ? De la viennoiserie ou du pain. Vous vous sentez pas trop fatiguée ? Non, ça va. Je pensais que j'allais avoir la tête qui allait tourner, mais non, ça va. Je me sens bien, oui. Le petit moment d'attente pour la collation. Merci. C'est obligatoire. D'accord, c'est combien de temps je dois ? Une vingtaine de minutes, au moins. Restez là ? Oui. D'accord. Avec nous ? Ok. Un reportage de Delphine Poudroux. Quel avenir pour la SIDR ? La question se pose aujourd'hui car la société immobilière du département de La Réunion pourrait changer de gestionnaire. Le PLR, le parti du Guet-Bello, ne voit pas cela d'un très bon œil. Le gouvernement veut se désengager du capital des SIDOM, les sociétés immobilières des départements d'outre-mer, dont fait partie la SIDR. Et de son côté, Nassima Dindar, la présidente du département, actionnaire de la SIDR à hauteur de 43%, a annoncé la semaine dernière qu'elle souhaitait également vendre ses parts de la Société Nationale Immobilière, principal bailleur français. Tout le monde se désengage. Que va devenir le bailleur social ? La SIDR, ce sont aujourd'hui près de 25 000 logements. La perte de la gouvernance publique pourrait devenir problématique. C'est l'avis d'Olivier Waro, le maire PLR du port. Au port, on a plus de 12 000 logements sociaux, plus d'un millier gérés par la SIDR. Et ma crainte, c'est de voir là aussi des décisions qui vont être prises sans les Réunionnais. Est-ce que sur la réhabilitation, on va les faire maintenant ? Est-ce qu'on va attendre ? Parce que l'intérêt du marché invite à attendre, alors que le besoin, la réalité des Réunionnais, des portoises et des portois, c'est que la réhabilitation se fasse maintenant. On a la chance de bientôt démarrer un projet de rénovation urbaine. Et donc moi, ce que je crains, c'est que si on ne fait pas l'objet d'une vraie présentation de nos problématiques, c'est le mieux-disant qui gagne. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas qu'on soit privé de notre gestion. Olivier Ouarot, le maire du port, répondait à Delphine Poudroux. Alors que le bac approche, certains sont encore à la recherche d'une orientation pour la suite. Les métiers agricoles sont à découvrir à partir de demain dans les communes de l'Est. Demain donc à Saint-André, jeudi à Saint-Benoît et vendredi à Sainte-Rose. Pôle emploi et la Chambre d'agriculture organisent ce carrefour de l'emploi agricole. L'agriculture est un secteur qui attire beaucoup de jeunes. Certains apprennent le métier auprès de leurs parents. Mais il faut quand même se former à l'école car l'agriculture évolue, c'est la vie d'Henri Tommy Atanari, exploitant agricole et quatrième vice-président de la Chambre d'agriculture. C'est un métier aussi qui passe de père en fils. Donc, le gamin, quand il voit l'exploitation, il est là, mais donc, il encourage à lui d'apprendre à l'école, aller dans l'école d'agriculture pour apprendre le métier d'agriculteur et aussi pour évoluer aussi. Parce que nous, à un certain âge, on a basé un peu sur la canne. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas arrêter de la canne, hein, non, il ne faut pas arrêter de la canne, au contraire, la canne doit continuer. Mais il y a des jeunes qui développent d'autres cultures avec la canne en même temps. Il y a le bio aussi. Il y a le bio aussi en même temps. C'est de l'avenir ça pour votre filière? Ben oui, de toute façon, dans la vie, parce qu'il y a des gens aussi qui ont 2-3 hectares, ben ils font un petit peu de demi-hectare de bio pour essayer d'en sortir aussi. Henri Tommy Atanari répondait à Antoine Garnier. Si vous souhaitez vous rendre au carrefour de l'emploi agricole, rendez-vous demain mercredi de 9h à 13h à l'usine de Bois-Rouge à Saint-André, même heure jeudi au pôle Cannes de Beaufont à Saint-Benoît ou de 9h à 13h également vendredi à la salle des fêtes de Sainte-Rose. Vous entendiez Monsieur Atanari parler du bio, et bien on continue d'en parler avec l'opération de sensibilisation à l'agriculture bio et au développement durable hier dans les jardins de la DEAL à l'occasion de la semaine européenne du développement durable qui jouait les prolongations. Un marché bio qui a rassemblé des agriculteurs, des commerçants mais aussi des associations. Le bio, une façon de consommer qui attire de plus en plus de consommateurs à l'image de Stéphanie et Virginie. Je trouve que c'est dommage que ce soit pas plus répandu, mais je pense que les mentalités commencent à changer, les habitudes commencent à changer. Il y a une réelle prise de conscience de ce qui n'est pas bon pour la santé, de ce qu'on peut trouver dans la grande distribution, contrairement à ce qui se fait sur les petits marchés bio comme ça. Il y a vraiment un plus, quoi. Pour vous, la démarche, elle est bonne? Ah oui, oui, oui, ça, sans aucun doute. J'encourage les gens, justement, à se tourner vers le bio pour que ça se démocratise un peu et qu'on en trouve plus souvent, que ce soit le commun, le courant, en fin de compte. Je suis du ministère de l'écologie, et puis de toute façon, je fais attention à tout, autant que possible. Il manque des choses pour vous ici aujourd'hui ? Non, c'est sympa, et puis les commerçants sont plutôt agréables, donc en plus, on a leur petite carte, donc on pourra y retourner. Réaction recueillie par Johanna Damadorassi. On parle sport avec du tennis. Première étape du Marie Pierce Indian Series. Toute cette semaine à la possession. La compétition a débuté hier avec le premier tour qui se poursuit aujourd'hui au tennis club de Moulin-Joly. Une dizaine de matchs sont à suivre à partir de 10h. Cette compétition parrainée par l'ancienne numéro 7 mondiale accueille 32 joueuses. Parmi elles, 8 réunionnaises dont la numéro 1 mondiale, numéro 1 régionale, Pauline Payette, des joueuses qui devront se frotter à des adversaires du top 500 mondial. Thibaut Serre est le co-directeur du tournoi. Parmi les joueuses, il y a des indiennes, il y a des namibiennes, néo-zélandaises, mauriciennes, il y a vraiment de tout, c'est très cosmopolite et c'est ça qui fait la richesse de ce tournoi-là, parce que il y a des joueuses qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir prendre des points ici à La Réunion et à Maurice les semaines suivantes. Oui, en fait, c'est pensé comme un circuit. Exactement, il y a 3 tournois, chaque semaine a lieu un tournoi, ce qui permet aux jeunes filles d'avoir 3 fois plus de points pour le classement en jeu, 3 fois plus d'argent aussi en jeu, donc c'est ça qui permet de les garder sur la zone. Oui, parce que sinon ils ne viendraient pas pour un seul tournoi. Un seul tournoi à 10 000 dollars, sachant qu'elles gagnent 80 euros si elles perdent au premier tour, ce ne serait pas intéressant pour elles. Thibaut Serre, interrogé par Olivier de la Richaudy. L'info revient à 7h. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique éco préparée par Sébastien Letard. Fini l'image des énergies renouvelables largement subventionnées. Alors que les professionnels du secteur étaient réunis la semaine dernière à Biarritz, certains appels d'offres, notamment dans le solaire, sont remportés avec des prix de rachat largement inférieurs à 100 euros le mégawattheure. Ça ne vous dit sans doute rien, mais sachez que c'est 2 à 5 fois moins que le coût réel de production de l'électricité à partir du fioul outre-mer. Les professionnels des énergies renouvelables ont le sourire. D'une part, plusieurs grands chantiers ont été récemment lancés, notamment dans les énergies marines. D'autre part, leur enthousiasme est alimenté par les très importants gains de compétitivité faits par le secteur. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, le prix de vente hors subvention de l'énergie solaire ou éolienne se rapproche des énergies classiques. Et outre-mer, les énergies renouvelables sont même devenues moins chères que l'électricité issue des centrales au fioul. Selon Alexis Gazot, il était associé au cabinet IU, anciennement Ernst & Young. En milieu insulaire, on a des prix qui sont particulièrement élevés. On sait que dans les DOM-COM, c'est des prix qui peuvent tourner entre 200 jusqu'à 500 euros par mégawatt-heure parce qu'il faut acheminer les sources d'énergie primaire type pétrole, charbon ou autre. Et bien, ce qui est intéressant pour les énergies renouvelables, c'est que bien souvent, elles sont compétitives et y compris pour des énergies renouvelables qui, aujourd'hui, ont du mal à l'être dans des contextes plus globaux, enfin notamment en métropole. Donc je parle de l'hydrolien, je parle de l'énergie thermique des mers, de l'éolien offshore flottant par exemple. Dans des contextes insulaires, elles peuvent l'être. Une énergie renouvelable moins chère à produire outre-mer, une fois les centrales installées, mais c'est leur construction qui reste problématique, notamment dans les énergies marines où on parle de projets à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est un coût qui va baisser aussi à l'avenir, puisque finalement là on est beaucoup dans des projets qui restent des projets pilotes. On pense que pour ces énergies marines renouvelables, entre cette phase de projet démonstrateur et puis des projets plutôt commerciaux, d'ici 5-6 ans on va dire, la baisse des coûts de CAPEX serait de l'ordre de 50 à 70%. Parce qu'effectivement on aura des effets d'échelle, parce qu'on aura des retours d'expérience aussi sur la manière d'optimiser l'installation, le raccordement, etc. Attention, on parle là des coûts de construction et de production d'énergie, pas du prix de l'électricité facturée aux clients. Aujourd'hui, la différence est de toute façon couverte par la CSPE, une taxe payée par l'ensemble des abonnés de l'Hexagone et d'Outre-mer, ce qui n'encourage pas forcément énergéticiens et pouvoirs publics à être vertueux. Sébastien Letard, la chronique économique sur Réunion Première. L'information routière juste après la météo avec Yves Gruyer pour vous dire qu'il y a toujours le passage d'un front froid qui est peu actif. Toutefois, eh bien, le ciel est bien chargé dans l'ouest avec de la pluie ce matin, de la pluie également dans le sud. On aura droit à quelques éclaircies toutefois sur le nord et cet après-midi, ça va se couvrir entre Saint-Denis et Saint-André avec de la pluie attendue encore. En début de journée, le vent il est faible puis se renforce dans le sud-ouest. Et on notera également une mer peu agitée toutefois. Le renforcement de la houle en cours de journée à cause du vent. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres dans la nuit, de cette nuit, de mardi à mercredi. Donc prudence si vous allez prendre la mer. Voilà pour les prévisions météo. On va tout de suite rejoindre Yves Gruyer pour l'Inforoute. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des Inforoutes avec Honda Moto. Yves Gruyer, vous êtes à la Ravine des Chèvres. Oui, et ici, le trafic reprend un petit peu de couleur parce que c'est très dense et ralenti à environ 40 km depuis quartier français, depuis la ligne droite de quartier français en ce moment, avant l'échangeur de la Marine, la montée de Bel Air, toute la partie plateau de Chassagne. Comme d'habitude, il y a une circulation qui reprend un petit peu d'allure en poursuivant donc depuis Ravine des Chèvres jusqu'à Saint-Denis. C'est très dense hein, jusqu'au front de mer, comme les gens entendent donc des messages concernant la route nationale 6, le boulevard sud, toujours fermé à la circulation entre le rond-point Fouque et le rond-point Lory dans le sens est-ouest uniquement hein, donc pour la fermeture dans le sens où vous roulez normalement. Donc le contrôle et l'enquête judiciaire est en cours suite à l'accident de ce matin. Donc la circulation se fait avec plus de monde mais pour le moment l'entrée du front de mer n'est pas encore saturée. Alors il ne faudrait pas trop que ça dure sur ce boulevard sud parce que là il y a quand même l'ordre de pointe qui s'approche pour tous ceux qui descendent des hauts et qui rejoignent le centre-ville et en empruntant le boulevard Jean Jaurès comme souvent. Ça ralentit simplement au rond-point juste après la caserne Lambert à l'entrée ouest, donc ça c'est pas trop mal. Et c'est toujours limité à hauteur de Plateau Caillou pour les bouchons qui se situent sur cette fin de route des Tamarins. Il s'est arrêté de pleuvoir, hein. La route est trempée, voire mouillée donc sur un bon tronçon depuis le sud jusqu'à Saint-Paul et même une partie de la Corniche. Mais la pluie s'est calmée. Voilà, attention, prudence, chaussée glissante. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Première. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci Sophia. Sophia. Ôtez ! Allons bouger ensemble ! Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel. Destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Ce dimanche 12 juin, la ville de Saint-Leu organise un référendum local. Vous devrez répondre oui ou non à la question « Voulez-vous que la commune de Saint-Leu révise son document de planification pour permettre la carrière de bois blanc ?» Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel de 8h à 18h. Le 12 juin, votons. Avec Tom, on a toujours été amis depuis qu'on est petits. On est allés à l'école ensemble et on a toujours fait les pique-niques du dimanche. Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent au fourneau. Alors comme on ne trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté, et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi, réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie, en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 1 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses 1 an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux. Nos musées méritent qu'on s'y attache. Vous écoutez Réunion Première, il est 6h48, la presse écrite locale et nationale avec Cécile Thomas. Et en une du quotidien ce matin, Jackie, cette question, les baleines reviendront-elles ? Le chantier de la nouvelle route du littoral assure préserver les mammifères marins, dossier ce matin dans le quotidien. Autre titre, Ramadan, la lune, vu hier soir, annonce le début du jeûne. Huguette Bello, la SIDR doit rester réunionnaise. Dépistage de l'hépatite C, le mal silencieux, écrit le journal. Nouvelle création de Sakidi, le Mahabharata des femmes, et puis internationaux de squash, Thierry Lincou, tête d'affiche. 1000 euros pour tout le monde, c'est en une du journal de Lille ce matin. Chômeurs, travailleurs, enfants, l'idée du revenu de base fait son chemin à La Réunion. Plusieurs associations y sont déjà favorables. Autre titre, Ramadan, le mois sacré, débute aujourd'hui. La SIDR, une privatisation à 2,5 milliards d'euros. Et puis théâtres départementaux, pourquoi Montrouge reste le patron. Dans la presse nationale, les suites des inondations en une d'aujourd'hui en France. Après la crue, le nettoyage, tandis que la décrue commence dans le centre et en Île-de-France, la remise en état des sites inondés s'annonce délicate, notamment à cause des risques de pollution. Autre titre, consommation, l'alcool, ce n'est plus tendance. Le budget consacré par les Français à l'alcool a diminué cette année pour la première fois depuis la crise de 2008. Une baisse qui traduit un changement de culture pour le journal. Et puis trafic d'armes, que faisait le Français arrêté en Ukraine ? Il est accusé d'avoir planifié des attentats durant l'Euro de football. Les primaires américaines ont une du Figaro ce matin. Trump peut-il gagner ? Jugé peu crédible, il y a un an, le magnat a su mener campagne en jouant du fort sentiment anti-système. Désormais adoubé par les ténors du Parti républicain, il rivalise avec la candidate démocrate Hillary Clinton dans certains sondages. Autre titre, grève et non-réforme du statut des cheminots vont coûter cher à la SNCF. Et après les inondations, l'heure du bilan et des questions, écrit le Figaro. Le Brexit en une du Monde. Bruxelles prépare le scénario d'un long divorce. L'Union européenne tente d'anticiper les conséquences sur les institutions d'un éventuel divorce britannique. Si le out l'emporte lors du référendum du 23 juin, les négociations sur un départ effectif devraient prendre 4 à 6 ans. En Italie, Virginia Raggi en chemin vers Rome, la candidate du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, est largement en tête du premier tour des municipales dans la capitale. Un revers pour le parti du Premier ministre Matteo Renzi. Hillary Clinton en une de Libération. Tous contre elle, titre Libé, quasi assuré d'être investi par la Convention démocrate fin juillet. Hillary Clinton aborde pourtant les dernières primaires sous le feu des critiques, celles de Trump et surtout celles de Sanders. Autre titre, le Kenya s'enflamme à un an de la présidentielle. Pour exiger une réforme de la commission électorale jugée acquise au président, les opposants défilent chaque semaine à travers le pays. Le sport dope, la mode. En 2016, le survêt n'est plus seulement réservé à la glande ou au sport, écrit Libé, il envahit les rues et serait presque toléré au travail. Une mutation qui porte un nom, Jackie, l'athleisure, soit la rencontre des codes de la mode traditionnelle avec la technicité du sportswear. On va tenter ça, Jackie, le look athleisure. Vous nous direz ce que vous en pensez. Pas de une de l'équipe ce matin, je ne l'ai pas trouvé, désolé. C'est la une avec Djokovic d'hier qu'on retrouve sur les sites internet ce matin. Et c'est bizarre parce que moi j'avais deux fois le 6 dans l'arrivée du quinté, mais j'ai trouvé ce soir demain. J'ai trouvé, c'était vous le 16. Vous êtes plus fort que moi, Jackie. C'était le 16 qui manquait. Alors l'arrivée du quinté précédent, le 4, le 6, le 12, le 16 et le 14. Le numéro plus, le 0664. Donc 4, 6, 12, 16 et 14. Numéro plus, le 0664. Aujourd'hui, nous irons à Saint-Cloud à 15h47. Pour la course du jour, la piste est en gazon, montant de la tirelire 4 850 000 euros, le 9 est non partant. Voici les favoris de Pascal Maillot, le 2, le 4, le 3. Le 2, le 4, le 3, la suite de son pronostic, l'As, le 5, le 8, le 6, le 14, et en cas de non partant, donc puisqu'il y a un non partant, le 9, donc misez sur le 15. Voici les favoris du fouineur du GIR, le 3, le 4, le 9, le 2. Le 3, le 4, le 9, le 2, la suite de son pronostic, le 12, le 7, le 5 et le 8. Un rappel de ces pronostics sera fait ce matin à 9h58. Pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Vous voulez aller au pays des merveilles, vous composez le 99-2000 et Réunion Première vous offre deux places pour aller voir ce film, Alice de l'autre côté du miroir. Un film américain donc, qui est sorti la semaine dernière dans les salles du réseau Mori Film. Deux invitations pour vous, à tout de suite. J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas. Toi, là-bas, quel est ton métier ? Bah, moi, c'est un chaudron. Respect. Moi, c'est chouette. Un moment, il faut bien chercher. Moi, ici, Léonidas, pas compris rien, il a 02 62 99 2000, deux places de ciné pour aller voir Alice de l'autre côté du miroir pour Marine de Saint-Paul. Bonjour, Marine. Oui, bonjour. Ça va ce matin ? Oui, ça va, merci. Alors, ma chère Marine, deux places pour aller voir Alice de l'autre côté du miroir, au multiplex Ciné Cambé de Saint-Paul, Ciné La Case à Saint-Denis ou encore au Plaza à Saint-Louis. C'est pour vous et c'est offert par Mori Film. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, à bientôt. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Peut-être que Marine a déjà vu un ovni, en tout cas. Bon, elle a été enlevée par des extraterrestres, par un extraterrestre, la bande à gougoute sur Réunion Première, Radio Novella. Précédemment dans votre Radio Novella. Attention, attention, mesdames, messieurs, tempête de météorites au niveau du couloir national 2 entre la Terre et la Lune. Tout vaisseau présent dans la zone est prié de dévier leur trajectoire vers l'ancienne route spatiale de la RN2A vers Jupiter. Merci. Big up. Eh ben, attendez, couloir. C'est une autre direction, ça, non? Regarde la ligne devant. Il est trop tard pour faire demi-tour. Eh ben, nous affonçons dans le tempête météorite, nous, là. Qu'est-ce que ça nous fait? Briller. T'es là pas. Le vaisseau spatial dans lequel se trouvaient Gougout, Rakoto, Karpaï et Mamadou fonçait tout droit vers une tempête de météorites. Alerte système, alerte système, alerte système. Accrochez-vous, ça risque de secouer. T'es là, ouais, parachuté. À moi, puis ça sautait, ouais. T'es Karpaï, t'y sautes, quoi. Nous l'est dans l'espace, t'es. Eh ben, ça veut dire qu'on va tous crever. Et en plus, là, si on meurt, le commissaire et Gilles Laboite, ils vont nous tuer encore. Ben oui. T'es, j'en ai marre de mourir. Bon, ben les gars, moi, t'es bien content qu'on ait ta zotte. Rakoto, avant mi-mort, il faut mi-jao. Moi, la mettre de l'huile de ricin, dans le gari, bâton mouroum. J'ai poussé à la game à l'au-ventre. Pardon. Eh ben, c'est pas grave, Gougout. Moi aussi, il faut que je te dise que c'est moi qui ai mis du poil à gratter dans tes caleçons. Je te demande pardon. Mamato, il te demande pardon. C'est moi la casse le fil de guitare. Eh ben, c'est pas grave. Moi, j'ai craché dans ton café. On est quitte. Saleté. Mais si moi, t'es connu, moi, t'es brûlé le guitare. Et Karpaï, dernier coup, quand l'autre m'a préparé un morceau de pain pour, mais c'est pas pâté de foie à m'en mettre dedans. C'était un boîte de pâté pour le chien. Mais demande au pardon. Mais pardon, non, Gougout, parce qu'il en était à dire. Comment on mène un barquette carré tant pour nous, là. Mais c'était pas tant, c'était le rat. T'es un saloperie, vraiment, ouais. Accrochez-vous, impact imminent, impact imminent. T'es où ça mis les mains? T'es mon tête fait mal, t'es. T'es ben, qu'est-ce qu'on nous fait là? T'es on dirait tous les dents à l'hôpital, gars. T'es malgas, t'es encore vivant? Ah, ma fille, on y appelle les Rakoto, hein? T'as pas crevé, lui? Ben, t'as crevé avant moi. Et Mamadou, ça va? Non, t'en pas où? Eh ben, moi, ça va? J'attendais que quelqu'un me demande si j'avais bien. Ben oui, je suis vivant. Dommage. Dommage ton vieux cerf. Pas pressé. Bête ton moment. T'es hôtel, arrête plein de son famille, ouais. T'es le gars, fermez, couloir. On dirait même on y arrive. Je vois que vous êtes réveillé. Et dis-moi, couloir, où ça nous l'est demain? Qu'on ça nous fait allonger, chien dedans? Pourquoi pas tous les fermer comme ça? Nous avons atterri sur Marsadé. Vous êtes en salle de quarantaine. Quarantaine? Quarantaine qui? Votre désinfection bactérienne est en cours afin d'éliminer toutes sortes de microbes et toutes formes de virus. Désinfection? Quelle désinfection que tu calcules les dents dans la gale, puis? Pour là, ben le contraire reste à prouver. À tuer dans la gale! Vous devez vous calmer. Une fois votre décontamination terminée, vous serez présenté à notre doyen. Chut, doyen, ben des merdes, un peu, parce que n'a pas rien que ça même pour faire nous. Et en attendant, ce serait possible d'avoir un truc à manger, là? Parce que là, j'ai faim, là. Code Piquiadon viendra vous apporter votre repas. Code Piquiadon? J'ai laissé encore. L'infirmière qui doit s'occuper de vous. Maintenant, reposez-vous. Je dois partir. Chut, t'es, mon noir, donne quoi une lombarde à nous, encore, non? T'es, capable. Que? Avant, c'est un coup où tu guettes, là. Que? T'es, ben avant, je te guettes, là, me dis où? Les affaires bizarres. Que? Qu'il est? Attendez, quoi? T'es, oh, t'es, le gars, c'est que tu m'as gagné ta main, comment? Maman, t'as ouf et mange à moi, le raou! T'es, oh, t'es! T'es là, gamin, t'es! T'es, tu manges, les gars, qui? T'es le singe! Mais t'es bien, t'as où ça? Baisse le chien! Ben non, tu fais manger, les gars, manger le chien, non! T'es, capaille! T'es, tu crasses, tu m'as baissé ça de Bonne bataille, mais moi les cieux, je t'y entends bien. La bande à Gougout, Radio Novella, chaque matin sur Réunion Première avant 7h, épisode rediffusé ce matin à 10h20 dans C'est encore mis en première. Réunion Première. L'information routière avant le journal de 7h. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Est-ce que la circulation est ouverte sur le boulevard Sud, Yves? Ça y est, c'est rouvert, là, depuis quelques minutes, c'est enquête terminée. Scooter et les deux casques, il y avait deux casques à terre, ont été enlevés, bref, chaussée nettoyée, même s'il n'y avait pas beaucoup de dégâts, c'était juste des débris. Et voilà, vous pouvez de nouveau circuler totalement sur le boulevard Sud. Heureusement, ça se termine juste avant, on va dire, l'heure de pointe, hein, donc ça a commencé à gonfler sérieusement, donc sur cette partie ouest, partie est pardon, de ce boulevard Sud en direction de l'ouest. Voilà, donc circulation rétablie, trafic toujours très dense ici, parfois presque légèrement à l'arrêt. Notamment la bosse de Bel Air, donc sortie de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne. Donc aujourd'hui, attention, mardi, hein, donc c'est le marché. La circulation qui se fait avec des ralentissements depuis quartier français toujours. L'entrée est, ça roule encore dans la ligne droite de la Jamaïque et de l'accès au front de mer. Cette sortie tunnel du Cap Bernard, ça roule encore sur le boulevard sud. Notamment Pont-Vinsan et les tranchées. Et puis côté ouest, attention, c'est la sortie du tunnel du Cap Laousse, hein, que démarrent les ralentissements sur route mouillée. Il y a encore de l'humidité également dans le sud, notamment la 80 du tampon. Attention à être très prudent à utiliser les freins moteurs. Aujourd'hui, c'est le sud qui est concerné par le petit tour à vue. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Eh ben la coupée, c'est le sud qui est concerné par le petit tour à vélo. On aura plus de précisions avec Yves Grouillet dans 15 minutes sur la première. Il est tout pile 7h à La Réunion. C'est l'heure du journal. Présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. À la une ce matin, la colère des transporteurs. Ils bloquent depuis une heure maintenant Holcim à Cambé. Selon eux, la société n'aurait pas respecté un accord signé l'an dernier. Résultat, pas un camion ne sort. Une vingtaine d'emplois seraient en jeu. Nous serons sur place en direct dans ce journal. Un véritable guet-apens. Voilà comment les surveillants qualifient la bagarre intervenue hier au centre pénitentiaire de Domingo. Plusieurs détenus ont simulé une altercation avant de s'en prendre aux gardiens. 7 d'entre eux ont été blessés. Le département ne doit pas se désengager de la SIDR. Huguette Bello se dit inquiète pour les locataires. Nassima Dindar voudrait vendre ses parts. Le bailleur pourrait alors être privatisé. Le ramadan a démarré à 5h20 ce matin. Les musulmans de l'île ont en effet aperçu la lune hier soir. La campagne sucrière, elle, devrait démarrer à la fin du mois, voire début juillet. En attendant, on parle ce matin du carrefour de l'emploi agricole. Ça commence demain à Saint-André. Et puis en football, J-3 avant l'Euro. Mais hier, ce sont les filles qui étaient à l'honneur pour le festival football des princesses. C'était à La Saline. Au reportage à la fin de cette édition. Réunion Première, Florent Marot. C'est donc un nouveau coup de force des transporteurs. Ils bloquent depuis 6 heures ce matin la société Holcim à Cambay. Aucun camion ne sort. Pourquoi ? À cause d'un accord signé l'an dernier mais non respecté. Un accord qui prévoyait 2 camions par petite entreprise. On en est à 1 uniquement aujourd'hui. Une vingtaine d'emplois seraient en jeu. Avec nous en direct pour en parler, Roger Narayanin, transporteur et gérant de la société TTNR. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, pour simplifier les choses, moi je suis transporteur et membre élu de la PNTR et représentation des responsables béton sur le site. Alors, vous bloquez la société Holcim ce matin. On bloque rien, monsieur. Que lui reprochez-vous ? Que lui reprochez-vous exactement ? Non, mais tout d'abord, je signale qu'on bloque rien, on travaille pas. On bloque pas la société Holcim, on travaille pas tout simplement. Et le repas, ce qu'on fait à la société Holcim, c'est qu'aujourd'hui, il revient sur le protocole qu'on a signé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils nous signalent qu'ils vont supprimer 22 camions. Et ces 22 camions, il y a 22 familles que nous employons qui sont derrière. Et voilà, c'est tout simplement ça. Alors vous ne bloquez rien. On a travaillé plus de 20 ans, 26 ans, certaines personnes. Et du jour au lendemain, on veut nous jeter à la rue comme un linge sale, je dirais. Alors vous ne bloquez rien, mais aucun camion ne sort, hein, tout de même. Hein. Ben heureusement, c'est nous les transporteurs, monsieur. Sans nous, la société Holcim ne livre pas ce béton. Alors vous demandez quoi ? Que l'accord soit respecté, tout simplement ? Exactement, que l'accord soit respecté, que ce qu'on a signé sur le minimum garanti soit respecté. À la hauteur de 2 véhicules. Moi, je pense qu'on a fait beaucoup de sacrifices de notre part, parce que chez nous, il y a certains transporteurs qui ont investi dans 5, 4, 3 camions, et on a fait un sacrifice pour dire, bon, ben, on soit raisonnable qu'on amène le minimum garanti sur 2 camions, et puis, bon, on travaillera comme on a l'habitude de travailler. Alors, est-ce qu'une rencontre est prévue aujourd'hui ? Ben, écoutez, je vais vous laisser cette réponse à notre président, qui va bientôt intervenir au cours de cette journée, et puis voilà, quoi. Merci beaucoup Roger Narayanin. Je rappelle que vous êtes transporteur, les transporteurs qui sont en ce moment devant la société Holcim à Cambay qui demande que l'accord signé il y a un an soit respecté. Je vous rappelle que cet accord prévoyait 2 camions par petite entreprise. On en est à 1 uniquement aujourd'hui. Bloqué également le boulevard Sud en ce moment entre le rectorat et la région. Un grave accident a eu lieu tôt ce matin. Une moto et une voiture sont entrées en collision. C'était vers 4h20. La voiture aurait pris la fuite. Les secours sont sur place. Bilan provisoire. Un blessé grave. Un autre touché plus légèrement. C'est une information, réunion première, une bagarre entre détenus a éclaté hier au centre pénitentiaire de Domingo. L'altercation a eu lieu vers 14h30 dans la cour de promenade. Les surveillants ont finalement réussi à ramener le calme, mais 7 d'entre eux ont été blessés. Des surveillants qui avaient réalisé des fouilles par palpation suite à l'introduction de plusieurs colis jetés la veille à l'intérieur de l'enceinte. Ce sont ces contrôles justement qui ont mis le feu aux poudres. Nicolas Calogine est le représentant du syndicat UFAP. Je pense que ça n'a pas plu à la population pénale et aujourd'hui il y a eu une rébellion, une vengeance, un guet-apens. Voilà, ils ont simulé une bagarre entre eux et lorsque le personnel est intervenu, il a été pris pour cible. Alors on demande une réaction forte de la direction qui jusqu'à présent nous avait dit que à la réunion les détenus sont corrects, qu'il y a pire ailleurs. Nous avons dit au directeur le pire c'est ici et maintenant qu'il fallait réagir. Nous avons prévu de nous mobiliser prochainement. Ce qu'on demande à la direction, c'est une audite de sécurité sur l'établissement, des poses de filets anti-projection. Enfin, ce qui nous manque aussi cruellement, c'est bien évidemment les départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Nicolas Calogine, représentant du syndicat UFAP, il était en direct dans notre journal de 6h ce matin. Une réunion de crise a eu lieu hier soir pour plus de sécurité à la prison de Domingo. Prévenir les agressions, justement, les dégradations également, c'est l'objectif du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Après Saint-Pierre, Le Tampon ou encore Saint-Joseph, c'est Petite-Île qui vient d'installer le sien. La ville n'est pas épargnée. Depuis 3 ans, les violences sur personnes sont en augmentation. Alors, que va apporter ce Conseil local de sécurité ? La réponse de Serge Ouarot, le maire de la Petite-Île. Déjà, nous avons donc institué un service de la proximité qui va pouvoir maintenant, suite à la mise en place de ce comité, travailler sur le terrain, ce qu'on appelle de la prévention. Nous allons essayer d'avoir des médiateurs sur le terrain pour aller en direction de ces jeunes, essayer de comprendre pourquoi ils sont dans cette situation. Et on parle de décrochage scolaire, on parle aussi de consommation d'alcool ou encore de stupéfiants. Il y a un travail social également à mener par nos services pour comprendre le comportement de ces jeunes et essayer de voir aussi dans leur milieu familial qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui explique ces errements ou encore cette situation sociale difficile pour ces jeunes? Serge Ouarot, le maire de la Petite Île, au micro Réunion Première de Suzette Emma. Réunion Première, 7h07, cette question maintenant, Florent, quel avenir pour la SIDR et ses 25 000 logements? Ah oui, c'est la question que se pose le PLR, le parti du Get Bello. La SIDR pourrait en effet changer de gestionnaire, elle pourrait être privatisée, le gouvernement souhaite se désengager, Nassima Dadar voudrait aussi vendre ses parts, le département possède 43% du capital, l'acheteur c'est la SNI, la Société Nationale Immobilière, principal bailleur français. Huguette Bello se dit inquiète, notamment pour les locataires réunionnais. Les locataires ne sont pas au courant, ceux qui travaillent à la SIDR ne sont pas au courant, les entreprises ne sont pas au courant, et c'est cela que nous dénonçons aujourd'hui. Et nous voulons aussi dire au gouvernement qu'il faut aujourd'hui organiser une grande concertation avec les élus. Parce que nous ne pouvons pas être considérés comme la dernière roue de la charrette et puis que l'on nous mette devant le fait accompli que l'on vende ce patrimoine qui est un patrimoine qui est cher aux Réunionnais. 80% des Réunionnais sont éligibles au logement social et qu'on le fasse de cette manière, ça n'est pas possible. Huguette Bello, micro Réunion Première de Delphine Poudroux. La députée demande désormais une concertation des élus pour au final une gouvernance majoritairement publique. La campagne sucrière devrait démarrer à la fin du mois, voire début juillet dans l'Est. Confirmation en tout cas la semaine prochaine. En attendant, place au carrefour de l'emploi agricole. Ça commence demain à Saint-André. Pôle emploi et la Chambre d'agriculture veulent s'adresser aux exploitants et aux travailleurs agricoles, mais aussi aux jeunes qui envisagent une carrière dans la filière. L'occasion aussi de parler du travail au noir et de l'intérêt d'être déclaré. Les précisions de Florent Orungi, conseiller Pôle emploi. Les avantages à être déclarés. Alors, deux avantages. Donc, d'une part, faire bénéficier aux planteurs d'aide au recrutement et d'autre part, pouvoir bénéficier, de l'allocation en fin de contrat. C'est une protection aussi en cas d'accident de travail puisque ça, c'est un métier quand même à risque. Hein, on travaille à l'extérieur, on manipule des outils, etc. Donc, effectivement, il y a un risque d'accident de travail. Nous, cette année, sur quoi on va insister aussi, c'est sur un nouveau contrat qui s'appelle le CIE, contrat d'initiative emploi. Donc, dans le cadre d'un recrutement, le planteur a une aide. Si le contrat est 6 mois minimum, une aide de 3 mois. Florent Orungi, conseiller Pôle emploi, interrogé par Antoine Garnier, le carrefour de l'emploi agricole. C'est donc demain l'usine de Bois-Rouge à Saint-André, jeudi à Saint-Benoît et vendredi à Sainte-Rose. Le ramadan a démarré.